vous êtes assez fait. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. Gabriel Béoud nous résumera les dernières semaines d'improvisation dans les coulisses de la Luitre. Et Daniel nous racontera son voyage à Vegas. D'Antagnès, Connor et Titania. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 14 novembre 2015, 154 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Salut, ça va bien? Oui, bon début de nuit. Hey, merci. Pour toi qui a 3 heures de délai vers l'arrière, donc qui est 4h15 dans ta tête, 4h30 même. Ouais, en plus, quand je suis arrivée hier, je me suis comme endormie à 2h30 parce que dans ma tête, il était 3 heures de moins. Ouais. Donc, j'étais pas capable de dormir. J'étais encore sur une espèce de high. C'est ça. De temps, mettons. Donc, ce matin... Hier matin, donc, je commençais l'émission, on était littéralement en train d'arriver à la chambre d'hôtel. Donc, parce qu'on s'est parlé, puis j'arrivais dans la chambre d'hôtel. C'est ça, t'as profité de ta fin de semaine, mettons. Oui. Bon, on va pouvoir en parler dans Tania's Gunner et Tania tantôt. Oui, ça c'est sûr. Ton petit voyage à Las Vegas, Nevada. Aujourd'hui, on a le retour de Gabriel Béoud. Ben oui. Ça fait un bon, quoi, 3-4 semaines qu'on l'a pas vu. Mais on s'est ennuyé de lui. Absolument. Il va nous résumer les dernières semaines d'improvisation, nous dire ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Lui, il est en stage en ce moment, donc on l'a perdu un petit peu. Mais bon, au moins, il vient une fois de temps en temps, c'est bien, ça. Ben oui, on le retrouve. Et voilà. Sinon, aujourd'hui, ça va être des chroniques maison. On a le bloc pub et les instructions d'assemblage à faire ensemble plus tard. Que dirais-tu de commencer en musique? Pourquoi pas? Est-ce que ta première pièce avait un lien avec ta fête semaine? Non, pas vraiment. C'est pas, là. Non, vraiment pas. Mais c'est un très bon câble. Okay. Je suis désolée. On va essayer mon daudet avec Dans les nues. Je sais pas, moi, j'ai hâte que tu me racontes ça, parce que si c'est toi qui l'as choisi, moi... Non, tout le monde reste habillé, promis. Je ne peux que supposer les choses. Ouais, c'est sûr. Je présume, mais je n'accuse pas. Bonne émission, Tania. Merci, toi aussi, Mathieu. On t'a perdu dans les nuits, mais on t'a retrouvé tout habillé. Bien au chaud parce qu'on gèle le matin. Il fait froid. Il fait très froid. Dans les nuits de Maud Audet à Assemblage Requis. Maintenant, tiens, t'arrives de Las Vegas, Nevada. Yep. Tania Baudin. C'est une place qui est reconnue pour les publicités partout. Eh, c'est vrai. T'as fini par j'en ai pu les voir. Ouais. Puis t'arrives ici, puis je t'en propose d'autres. D'accord, pas de problème. je commence à être habitué. C'est le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le gouda. C'est ça que t'allais faire à Vegas. C'était oui. Ta voix qu'on entendait là. Ben oui, c'est sûr. C'est pour ça que t'es rendue un petit peu rauque, là, comme les meilleures femmes des lignes 1976. Oui, oui, oui, exactement. Ce que les gens savent pas, c'est que j'ai travaillé. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Je travaillais à d'autres domaines que la radio. Qu'est-ce que tu veux, mon beau? Donc, c'est la blog pub où on parle de phénomènes de marketing, de oui. Raisons d'acheter des choses, si on veut. Et on commence avec une campagne pour se débarrasser des préjugés sur les jeunes. Oh. L'agence Camden signe la campagne de sensibilisation d'opération placement jeunesse qui s'inscrit dans une démarche de valorisation des capacités et des qualités de certains jeunes qui ont, pour diverses raisons, été éloignés du monde du travail. L'offensive se traduit par une campagne d'affichage avec laquelle la population peut interagir et qui se retrouve à plusieurs endroits stratégiques afin de maximiser sa visibilité. Celle-ci met en scène plusieurs jeunes sur lesquels sont inscrits des préjugés désavantageux et ces derniers peuvent être arrachés de l'affiche afin de laisser place à des qualités. Une animation et de la publicité sur les réseaux sociaux viennent appuyer le message clé de l'organisation. Et puis, ça date de 82, sur Opération Placement Jeunesse, l'organisme à but non lucratif. Donc, littéralement, on voit sur des panneaux dans les rues de Montréal, c'est des panneaux de bois contreplaqués mm-hmm. qu'on voit sur le bord des rues. Donc, débarrassons-nous de nos préjugés. Et puis, malhonnête, écrit sur le front de quelqu'un, tu peux arracher un peu comme un bloc de post-it, si on veut. Oui. Tu tires sur la première feuille et ça dit maintenant, à la fin, ça va défiler par dire fiable sur son front. C'est cool. C'est très cool. Interactif. C'est vrai qu'on a des préjugés pour les jeunes bien souvent. Absolument. Absolument. C'est comme ça, c'est tout en eux qui créent les accidents ou c'est eux qui conduisent mal. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on en parle? Et voilà. Ouais. Donc, leur slogan, plus de 6500 jeunes accompagnés vers le monde du travail depuis 1962. Voilà. Opération Placement Jeunesse. Un autre message, c'était, accro sur le message sur le front d'une fille. Mm-hmm. Et quand tu finis par enlever tous les post-it, ça donne réfléchi. Ah, bonne oui. idée. Sur les trottoirs de Montréal. Ensuite, une nouvelle approche de la sécurité routière. La Société de l'assurance automobile du Québec a lancé une campagne de sensibilisation visant les jeunes de 16 à 24 ans, signée LG2. La campagne se tiendra jusqu'au 13 décembre prochain. Elle comprend un message télévisé de 30 secondes diffusé sur certaines chaînes spécialisées et sur le web. Elle vise à dissuader les conducteurs de conduire après avoir consommé de l'alcool chez les 16-24 ans. La signature est « Sans permis, tu vas marcher longtemps ». Et le message télé communique de façon humoristique qu'on peut perdre son permis de conduire à cause de l'alcool au volant. Est-ce que tu as vu? Oui, je l'ai vu à la télévision même. C'est une très bonne publicité tant qu'à moi. Je l'ai pas vu encore. Tu l'as pas vu encore? On la regarde ensemble. On peut très bien la regarder ensemble. Oui. Donc on voit un garçon sur le bord de la route arrêté par un policier. Il souffle dans la bébelle à souffler. Et ses jambes prennent de l'ampleur. Ça déchire ses jeans à la Hulk derrière les mollets. Il continue de souffler. On voit sa cuisse au grand complet. Finalement, on dirait juste ses sous-vêtements presque. Mm-hmm. Et c'est sans permis, tu vas marcher longtemps. Donc, il est rendu avec des jambes musclées pendant que son char se fait remorquer. Et lorsqu'on boit, on ne conduit pas. C'est très bien. C'est vrai parce que, honnêtement, tout le monde prend ça à la légère, ouais, mettons. Exactement. Jusqu'à temps que ça leur arrive. C'est ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, c'est vrai. Second Cup, est-ce que tu fréquentes les Second Cup dans la vie des fois? Il y en a simplement un ici, si je me souviens bien, à Trois-Rivières. C'est au centre-ville. J'en connais même pas, moi. À Trois-Rivières, où ça? Non, je pense même pas non. que c'est un... Non, c'est un presse-café, ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais il y en avait un dans le temps? Possible. Non? Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y en a des... Au Centre-Rivière? Non? Ça, c'est un Timothy's. Ah. Hein, je connais ça. Ah, ouais. Bon, on voit que moi, je connais pas tant ça. Il y avait un café dépôt aussi. Hein, mais celui-là qui est comme au centre, près du Yves Rocher. Ah, ça me parle. Bon. Bref, Second Cup, c'est pas reconnu comme étant une place très, très belle. C'est un peu... C'est vrai, c'est un peu on the go, mettons. Oui, c'est utilitaire. C'est ça, tu rentres là simplement pour aller chercher ton café pour en ressortir. Et voilà. Le plus rapidement possible. C'est pas fait pour que tu restes et que tu trouves les murs beaux, hein? Non, non, ça c'est sûr. Donc, le directeur artistique Stéphane Barrette a créé des murales personnalisées pour 4 cafés Second Cup montréalais dans le cadre de leur nouveau positionnement. Stéphane Barrette, qu'on connaît de Saint-Jacques-Vallée, Y&R, Marketel et Paul Manavis, donc des compagnies de marketing, a été approché par le bureau de relations publiques The Montreal Office dans le cadre de la modernisation de 4 anciens Second Cup Café et compagnie, Saint-Denis, Saint-Laurent, Anjou et Sainte-Catherine. L'initiative s'inscrivait dans la nouvelle volonté de la marque de remettre le café au cœur de l'expérience client. Dans ce cadre, et afin de personnaliser les enseignes, l'entreprise a commandé des murales représentant l'endroit dans lequel, dans lequel les cafés sont situés, donc leur quartier. Stéphane Barrette explique que sa mission était de prendre le pouls du quartier et de représenter ses milieux de vie. Il voulait concevoir une illustration qui rendrait compte à la fois de l'histoire du quartier et de l'activité qui se déroule là aujourd'hui. Mandat donc intéressant pour le directeur artistique qui voit une pratique complémentaire au travail publicitaire. Ce sont des illustrations imprimées en grand format, puis appliquées en décalque qui prennent place donc dans ces cafés. Dans lesquels ont été travaillés le design intérieur plus moderne, plus épuré, l'ergonomie et le produit par l'ajout de nouvelles machines de café sous pression. C'est ça. Sinon, les 4 enseignes dévoilées cet automne n'étaient que les premières, car tous les nouveaux cafés et ceux ayant à subir des rénovations adopteront le nouveau design en fonction de leur emplacement et de leur clientèle. Sur les murales, on voit, c'est un peu en couleur, je dirais, on dirait peinture à l'eau. Oui, mais c'est ça, j'allais dire, ça ressemble un peu à de la peinture à l'eau. Mm-hmm. Mais c'est le fun parce que ça personnalise ton café dans ton coin. C'est ça qui est le fun d'un café. Sinon, tous les cafés se ressemblent. C'est vrai. Habituellement, même si c'est un beau design, comme chez Starbucks, ça reste que c'est partout pareil. Ben c'est ça, tu sais, juste sur Sainte-Catherine, t'as quoi, 3 Starbucks? Par tu rentres au Starbucks... C'est un Starbucks, hein? C'est ça. Tu peux pas vraiment changer ça. Évidemment, les Second Cup, le reste du décor va être similaire aussi, mais au moins la murale donne quelque chose de nouveau. Par exemple, ici, bon, on a l'exemple du quartier latin chez Second Cup. Je sais pas si c'est chez par ou par ou selon. Ah, le quartier latin selon Second Cup. Donc, on voit des pancartes de rue avec vraiment l'iconographie de la ville de Montréal. On a une pancarte de métro, on a un clocher d'église. On a des arbres, des gens qui marchent, tout ça en couleur pastel un peu, mais pastel, je dirais, pastel fade, on dit couleur à l'eau un peu, un genre de brun, beige, vert. Neutre, tu sais, pas mal neutre. C'est bon ça, j'aurais dit automnal sinon. Ah oui aussi, un peu, ouais. En effet, mais c'est cute. Oui. Ensuite, un marathon de 43 km. C'est LG2 qui a lancé pour Crispy Kernels, la marque de petites collations, une campagne ayant pris la forme d'un coup d'éclat lors du marathon de Magog. Le 25 octobre dernier, les participants du marathon de Magog étaient encouragés à courir un kilomètre supplémentaire au terme de la course de 42 km. Tous ceux qui franchissaient la ligne d'arrivée secondaire du 43e kilomètre recevaient des produits Crispy Kernels pour faire le plein d'énergie. Ils devenaient également admissibles à un tirage pour un voyage aux Bahamas afin de participer au marathon de Nassau. C'est ça, la petite vidéo nous montre... un peu comment ça s'est passé. On voit les gens en train de s'étirer. Ça a écrit dans le coin « Canada 2015 ». Parce qu'on sait Magog, ville canadienne réputée. Non, ouais, c'est ça. It's Magog! Bah, tu sais, quand tu veux faire parler de toi internationalement... C'est ça. Vas-y pas avec Magog, vas-y avec Canada. Donc, on voit les gens courir au ralenti. Je vais skipper vers un bon bout plus tard. Hein? Ah, les gens ont mal au mollet, une ambulance passe, les gens courent. Crispy Kernels, qui offre l'énergie de plus avec ses mélanges fruits et noix, a invité les athlètes à aller encore plus loin en courant un kilomètre de plus. C'est rare c'est ainsi que qu'on a une narration. Fut créé. C'est vrai? Dans ces démonstrations de concepts-là, il faut lire soi-même. Je sais pas si ça s'adresse aux gens qui savent pas lire. Il n'y a absolument rien à voir de plus. Épuisant parcours régulier de 40 épuisant kilomètres, parcours, donc les gens arrivent à la ligne d'arrivée. L'énergie de plus pour franchir un 43e kilomètre. Et là, il y a des flèches par terre, arrivée du kilomètre 43 à Crispy Kernels. Sans le logo dessus. J'aurais c'est vrai? J'ai entendu avoir un logo. Donc, il y a une deuxième ligne d'arrivée avec là, les logos de Crispy Kernels. Les quelques personnes qui ont choisi de faire le dernier arrivent. Je devenais finaliste pour le tirage d'un voyage aux Bahamas pour participer à un marathon. C'est très... En cadeau, les mélanges c'est très... dramatique, non? Ouais, c'est ça, je vais dire. Très, très émotif. Dans un monde! Exactement, on dirait quasiment une description de bande-annonce. Oui, vraiment, c'est ça. De film qui s'en vient à la... C'est beaucoup trop épique. Ouais. Bref. Ensuite, il y a un nouveau joueur dans l'industrie du taxi, Tania. Ah oui? Oui, tu connais les Uber et Lyft et autres compagnies comme ça. Donc, ce qui a été très, très médiatisé ici, maintenant. Exactement. Donc, Taxelco, entreprise mise sur pied par XPND Capital, dévoile le nouveau projet de taxi électrique Théo. Ah? Soutenu par des investissements qui nécessiteront à terme près de 250 millions de bilous. Théo est le projet d'économie verte que l'entrepreneur Alexandre Taillefer a promis il y a un an lors de l'initiative Je vois Montréal. Théo devient donc le premier parc de taxis entièrement électrique au Canada et sera lancé auprès de 500 Montréalais pour une période de rodage de 3 mois à partir du 26 novembre, donc dans 2 jours. Quand tu iras à Montréal en fin de semaine ou l'autre, tout est rendu à Montréal, toi? Ben, pas tout est, là. Souvent. Mais oui, c'est sûr. C'est ça. J'ai des amis là-haut. Alors, donc, en tout cas. Bon, les salut. Le service de taxi électrique se déploie en 2 offres distinctes. T'as Théo Taxi, qui est composé d'un parc de véhicules blancs et verts de type Nissan Leaf, Tesla et Kia Soul, et Théo Noir, formé de voitures luxueuses Tesla. Avant son entrée officielle dans le quotidien montréalais à la mi-mars 2016, Théo fera l'objet d'une période de rodage de 3 mois. 50 taxis vont sillonner les rues de Montréal dès le 26 novembre et Théo fait appel à la communauté montréalaise afin de dénicher 500 citoyens dotés de téléphones intelligents et désireux d'expérimenter toutes les fonctionnalités de l'application et du nouveau service. Les intéressés doivent s'enregistrer sur le site web de Théo qui est theomtl.com. D'ici quelques mois, plusieurs nouveautés technologiques seront offertes. En plus d'une application mobile qui permettra de partager une course entre clients et la capacité de réserver ses déplacements, le service mettra à la disposition de ses passagers une tablette numérique présentant du contenu personnalisé adapté à leur profil ainsi qu'à la destination choisie. Il y a aussi un signal Wi-Fi et des chargeurs pour téléphone qui vont être accessibles à l'intérieur du véhicule. Et pour offrir une expérience distinctive, les voitures seront nettoyées, vérifiées et rechargées quotidiennement, ce qui va vraiment augmenter leur roulement financier pour devoir gérer cette flotte-là de taxis. Ça coûte cher tout ça. Oui, mais là, c'est-tu les chauffeurs qui vont acheter les voitures? Parce qu'on s'entend qu'une Tesla, là, ça coûte pas 2,5 piastres? C'est ça, exact. Donc, on souhaite moderniser l'industrie du taxi. Taxelco s'engage à payer un salaire supérieur et garanti aux chauffeurs de Théo et à leur offrir de la formation continue et amener des efforts particuliers pour encourager les femmes à se joindre dans l'équipe. Ça dit pas pour le prix. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un écosystème de partenaires. Donc, j'imagine que c'est eux qui vont payer pour les voitures. Donc, Hydro-Québec, Vidéotron, Québécois, le ministère des Transports du Québec, la Ville de Montréal, institutions financières comme Claridge Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la Banque nationale qui participent à ça, c'est clairement eux qui vont défrayer le coût des clairement, voitures. Clairement, clairement, je pense bien, oui. Donc, Théo aspire à déployer près de 1000 taxis verts d'ici 2017 pour le 375e de la Ville de Montréal. C'est selon Infopresse, tout ça. Il y a plein d'autres détails, là, j'ai sauté la moitié. Mais tu sais, en même temps, ils disent 50 taxis au total, ça veut pas nécessairement dire que ça va être 25-25. Il va peut-être avoir comme 3 Tesla, puis le reste, ça va être des Kia Soul. Des Kia Soul puis des Nissan Leaf, c'est pas mal moins cher qu'une Tesla. L'autre, c'est le service de luxe. Là. J'imagine que le service va être tellement cher pour prendre un taxi avec une Tesla que... Je sais pas, hein? On va voir. Dans 2 jours. Dans 2 jours, exactement. C'est ça. C'est ce qui est le fun. C'est qu'on n'a pas à attendre trop longtemps. Pour les gens qui vont être sur la bêta, là, qui vont s'inscrire à l'avance. Ensuite, on essaie de sauver l'improvisation, Tania. À Montréal, la Ligue nationale d'improvisation, la LNI, il y a une nouvelle campagne de Bleu, Blanc, Rouge, une campagne de sociofinancement dans laquelle ses participants se retrouvent en pleine savane africaine, comme des animaux menacés d'extinction, afin de surmonter les obstacles actuels du monde scénique. Ça, c'est une phrase creuse qui dit, comme dans le contexte actuel... On n'a plus de cash. On n'a plus de cash. La LNI souhaite élargir ses activités et développer de nouveaux créneaux. Et pour y parvenir, elle compte sur le soutien du public dans une campagne sur Indiegogo pour 60 jours. Dans le cadre de cette initiative, Bleu Blanc Rouge a reçu la mission d'insuffler le caractère éclaté, rebelle et créatif de la LNI. Pour voir la campagne, c'est sur assemblagerequis.com, mais en gros, là, ce qui se passe, c'est que chacun des grands noms de l'improvisation participe à ça. Nous allons découvrir des espèces menacées très rares. La voix de Charles Serre, bien sûr. Dans leur habitat naturel. Il y a de cela quelques dizaines d'années, ces créatures occupaient encore un territoire rempli de richesses naturelles. Un homme de safari avec son chapeau. Les ressources nécessaires afin de vivre en harmonie avec la nature. On voit Pierre-Luc Funk de SNL Québec, qui est du nouveau show, de pollution, en maquillé en petite bestiole qui sort du sol. Ont déstabilisé leur environnement, rendant leur territoire hostile. Réal Bossé avec le cou très très long en girafe. Salomé Corbeau qui rampe sur une roche avec la langue qui sort pour manger des frites. De ce fait, on comprend le principe. Oui. Donc, même à la fin, on arrive avec un message. Soutien, ces espèces singulières pourraient disparaître. Nous devons à tout prix protéger leur écosystème. Ouais, là, c'est le bout de triste où vous vous dites, Colin, je veux pas que ça disparaisse. Faudrait que je m'implique. Donnez, avant qu'il ne soit trop tard. Là, vous pouvez choisir votre forfait sur Indiegogo. Allons voir où ils sont rendus en ce moment. Ils sont rendus à 5 000 $44 collectés par 99 personnes en 6 jours. Et ça, c'est l'équivalent de 10 % financé. Mais il reste encore 55 jours. Comme on l'a dit, c'était une campagne de 60 jours, je crois. Donc, oui, on a juste 5 jours de fait. Les choses vont quand même assez bien. Et on s'entend qu'il y avait des acteurs de renom comme les gens que j'ai nommés tantôt. Là. Puis il y avait aussi... François-Étienne Paré. Oui, oui, oui. C'est qui l'autre? Laura Paquin. Laura Paquin, merci, t'es fine. Ça fait plaisir. Et la fille qui jouait dans l'émission, là. Une T9, ça? Oui, oui, oui, voilà. C'est ça, là. Je me souviens plus de son nom. Moi non plus, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Quand même, donc, c'est ça, la campagne Indiegogo est disponible sur assemblagerequis.com. La prochaine, j'ai choisi pour toi, je sais que ça va t'intéresser. C'est une campagne pour Barbie, pour Mattel. Mattel qui fabrique Barbie. Mm-hmm. Donc, c'est le premier garçon vedette d'une pub de Barbie. OK. Pour la première fois de son histoire, Barbie met en vedette un jeune garçon dans une publicité. Le garçon vante la poupée et il a volé la vedette à la plus récente Barbie, créée en collaboration avec la marque Moschino. Il a été habillé et coiffé afin de ressembler à Jeremy Scott, le directeur créatif de Moschino. La publicité a été conçue par Moschino et non pas par Mattel, qui commercialise la Barbie. Okay. C'est une parodie un peu des années 80. Donc écoutons cette publicité pour Barbie. Donc, les petites filles, comme dans toutes les pubs de Barbie, c'est la fille la plus... la Barbie la plus Moschino? Moschino, qu'on dit? Mm-hmm. Et là, le petit garçon a les cheveux rasés sur le côté, la crinière dans le vent. C'est trop beau pour être une publicité des années 80. Trop léché, je trouve, le décor. C'est très... ouais. Un petit téléphone cellulaire pour la Barbie. Moschino Barbie doll, fabulous. Le petit garçon fait un clin d'œil. Oh oui. Je dois avouer que c'est... C'est bien. Oui, mais c'est absolument rien qui devrait faire la nouvelle, à mon avis. Mais ça dépend, parce que ça fait juste ouvrir l'esprit aux gens que oui, un garçon à cet âge-là, ça peut totalement jouer avec une Barbie, avec sa sœur ou peu importe. Oui, ou vraiment peu importe. Ce qui me surprend, c'est que ça ait pris jusqu'en 2015, presque 16. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Pour vrai. Mais tu sais... Parce qu'on n'a pas le choix, en effet, de faire un article, parce que c'est la première fois, mais je trouve ça comme absurde. Oui, c'est absurde de ce côté-là parce que l'ouverture d'esprit est absurde. Voilà. Et voilà, tu vois, ouais. Ben, le manque d'ouverture d'esprit. Ouais, le manque d'ouverture d'esprit. Wow, t'as donc bien l'esprit ouvert, franchement. Non, non, mais c'est l'ouverture d'esprit qu'on a à ce sujet-là. Exact. Est déjà absurde, mettons. Ouais. Parce que, tu sais, combien de fois est-ce qu'on voit des petites filles dans des annonces, je sais pas moi, de jeux scientifiques oui, ou. Oui, c'est ça, pas assez. Même des Hot Wheels, on a déjà vu des filles dans les annonces, sauf que là. Ça a pris combien de temps avant de voir le premier gars dans une annonce de Barbie? Il était temps. J'aime ton utilisation du mot absurde, mais c'est comme prononcé avec une voix rauque, ça fait comme absurde, comme un hipster. Je parle un peu comme Caroline Néron un matin. Caroline Néron, ouais. Avec un mélange d'Éric Lapointe, ça brosse. Ben, ça brosse ou encore sa cigarette vraiment intense. Ouais. Et justement. Oui. Hein, tu vois comment je fais des liens, moi. De facto, le projet du réseau du sport étudiant du Québec, le RSEQ, a lancé une campagne conçue par le publicitaire Simon Baudry, mettant en vedette le comédien Réal Bossé qu'on vient de voir dans la pub de la LNI tantôt. Ah oui, puis ça fait ça. Ouais, l'opération axe son message sur le fait que la majorité des fumeurs fument par dépendance à la nicotine et non pas par choix. Déployé à la télé, sur le web et dans les établissements d'enseignement, elle s'adresse principalement aux 18-24 ans et veut mettre en lumière les visées lucratives de l'industrie du tabac au profit de leur santé. Donc, Simon Baudry a passé 13 ans chez Dentsubas avant de quitter l'agence au début de l'année. Il signe ici sa première campagne par l'entremise de l'agence. Écoutons ça et on va... je sais pas s'il y a une narration dessus. Je suis pas certaine. Donc, on voit une femme dans une classe avec des élèves au bureau. À leur pupitre, il y a de la fumée qui sort d'une trappe d'aération. La majorité des fumeurs fument par dépendance à la nicotine et non par choix. On dirait vraiment qu'on sait plus lire avec les pubs cette semaine. Ils nous lisent tout d'en face. Chaque jour au Québec, l'équivalent d'une classe de 28 personnes meurt à cause des produits du tabac. Donc les élèves sont par terre. Si c'est prêt à payer pour que notre industrie profite, on peut vivre avec ça. On n'est pas obligé de voir Réal bosser en ami. De facto, pour essayer la vérité sans filtre, un projet du RSEQ. Donc oui, littéralement, c'est vraiment... Il y a de la fumée qui entre par les trappes d'aération et les gens c'est meurent. C'est comme si c'était une chambre... Oui, c'est ça. Ah oui, j'avoue, j'avais pas saisi le parallèle nazi, mais maintenant qu'on en parle... Ah oui, parce qu'il dit qu'ils vivent très bien avec le fait que ça tue tout le monde. C'est ça. J'avais manqué ça, c'était... C'était nazi méprendre. Ensuite, Bloomingdale s'excuse pour une publicité vaguement viol de femme. Ah, pardon, oui. Vaguement pas mal, ouais. Donc, le texte est approprié de mauvais goût, disent tous les commentaires. Donc, c'est une publicité pour Bloomingdale's qui fait sensation sur les réseaux sociaux, bien sûr. Si vous l'avez manqué, donc, c'est une publicité où on voit une femme qui est en train de rire un peu. Un petit rire niais. Un petit rire un peu. a l'air complètement genre en extase. Mettons moi, qu'elle je trouve que c'est pas rire un petit peu, là. C'est comme c'est poussé. Elle a eu du gaz qui est sorti par la trappe d'aération, je pense. Probablement. Bref, et un petit peu plus loin d'elle, à sa gauche, à notre droite, on voit un homme qui la regarde de façon séduisante. Mm-hmm. Et ça dit « Spike your best friend's eggnog when they're not looking ». Donc, droguer un peu le lait de poule de votre meilleur ami quand elle ne regarde pas. Ouais. C'est clairement une incitation au viol. C'est, ouais. Je vois pas comment on pourrait l'analyser autre que ça. Spike, mais en même temps, Spike peut aussi vouloir dire de mettre de l'alcool dans son lait de poule. C'est pas fou. Ouais, parce là. Que, tu sais, définitivement, elle a l'air d'une fille qui a bien du fun. C'est ça. Ça veut pas dire nécessairement une drogue du viol. Je sais pas vraiment où c'est qu'il voulait aller avec ça. Ben, hein? Probablement mettre de l'alcool, mais en même temps, mettre de l'alcool veut dire que le gars voudrait coucher avec la fille. Parce que sinon, pourquoi je serais dans une pub? Je vois pas ce que tu peux voir d'autre que ça. Non, je suis d'accord avec toi. Je sais pas vraiment où que ça s'en allait. Non. C'est l'idée originale, là. Ouais. C'était de promouvoir, quoi. Et ça a passé par plusieurs paliers, j'imagine, d'approbation, tout ça. C'était paru dans le catalogue des fêtes de Bloomingdale's 2015 pour la marchandise de Rebecca Minkoff. C'était critiqué, bien sûr, moqué sur Internet. Bloomingdale's a donné son excuse en disant, après les commentaires récents, le texte que nous avons utilisé dans notre catalogue présentement était inapproprié et de mauvais goût. Nous excusons sincèrement pour cette erreur de jugement. Bien sûr, c'est dans le catalogue, donc ça va rester dans les annales. Haha! Pour le reste de l'éternité. J'ai bien aimé ton petit jeu de mots. Ah, c'était facile pour moi, je crois. ensuite, on parle un petit peu de Super Bowl. Budweiser qui retire les petits chiots de ses publicités du Super Bowl. Quoi? Oui, ça fait peut-être pleurer des petits chiots dans les pubs, mais apparemment que ça vend pas beaucoup de bière. Ah. Donc on ne les ramènera pas. Ces petits chiens qui jouaient un rôle clé dans les publicités Budweiser depuis les deux derniers Super Bowl ne participeront pas au championnat de 2016. Et peut-être ne reviendront-ils jamais, parce que même s'ils sont mignons, ils vendent pas de bière. On va déployer une publicité plus centrée sur les produits pour le Super Bowl 50. Donc les fans des chiens et des animaux pourraient peut-être se rabattre sur d'autres campagnes publicitaires. Peut-être que quelqu'un va profiter de ça pour en mettre des animaux dans leur pub. Je suis sûr que ça faisait vendre plus de bière envers les femmes. Peut-être envers les femmes, mais j'imagine qu'elles n'étaient pas assez nombreuses pour que ça vaille la peine, parce que ça, c'est un manque probablement. De vente. Parce qu'une publicité de Budweiser, normale, c'est vraiment plate. Comme par exemple celle-ci, mettons. Mm-hmm. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai manqué le texte du début. Attends un peu, on va recommencer ça. Ok, comment faire la bière la plus douce au monde? C'est pas de la façon facile, on voit comment on fait la bière. On mesure deux fois, on coupe une fois et on coit en quelque chose. Et là, il y a des bières qui sont prises dans un seau. Il faut porter attention aux détails, se souvenir d'où on vient. Une canette de bière est déposée sur un comptoir. Faut rester tête de cochon et répéter pendant 139 ans. Budweiser, cette Bud est pour vous. C'est vraiment plate et générique en maudit comme oui. bière. Ça, c'est le genre de publicité de bière tellement passe-partout que n'importe quel logo aurait pu apparaître à la fin et j'aurais pas été surprise. Mais tu sais, je suis d'accord avec le fait qu'il n'y avait pas vraiment de lien avec le chien. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, il y a une couple d'années, il y avait sorti la fameuse publicité où il y avait un chien qui tombait en amour avec un cheval, puis le propriétaire du cheval, il ramenait tout le temps le chien à la propriétaire. Ouais. Puis là, ça faisait en sorte qu'eux, ils tombaient en amour comme le chien avait tombé en amour avec le cheval. Est-ce que tu penses que c'est Puppy Love? Oui, c'est celui-là. La pub, on va l'écouter, voir ensemble. C'est une pub d'une minute. Bon, on est à un centre d'adoption pour chiots. Il y a des chiots partout derrière les petites clôtures. Le chien, court. Il gratte, gratte, gratte. Il passe en dessous de la clôture. Il court dans le champ. Il rentre dans une état... comment on appelle ça? Ranch. Un ranch, en tout cas. Il rencontre le cheval. Il sent le nez. Le gars remarque ça, le gars de la ferme, qui est tellement propre pour un fermier, je trouve. C'est pas l'amour et l'emprunt. Il est tellement cute aussi pour un fermier. Et là, il l'amène à la madame. La madame, merci, t'es bien trop fin. Le gars est en train de brosser quelque chose. Bref, le chien s'échappe tout le temps et elle rencontre un paquet de gars qui ramènent son chien. C'est tout un gars différent en passant. Non, c'est tout le temps le même. T'es sûr? T'es sûr? Ben oui, parce qu'elle donne le chien en adoption. Elle a un centre d'adoption de chiens. Ah, c'est ça l'affaire. Puis là, les chevaux, ils commencent à sauver le chien. Ben, c'est bien trop d'histoire pour moi, ça. On dirait un téléroman. Voyons. Ben, je te le dis, là, c'est comme l'histoire d'un film dans une pub. Mais je vois pas le lien. Et le chien revient dans les bras du même gars que le début, c'est ça? Okay, c'est parfait. Ça. C'est ce que le chien, il a compris que s'il allait tout le temps voir lui... Le gars allait tout le temps se pointer, puis la fille, puis le gars allait finir ensemble. Puis ils s'en vont voir les chevaux à la fin, c'est ça, c'est le bout à la fin, que c'est cute, cute, cute. Mais ouais, vraiment, what the? Parce que mais quel est pas... le lien avec la Bud? Il n'y a pas une bière dans la publicité du tout? Non. Si c'était pas du logo, ça aurait pu être une pub de genre y aurait jeans. Il y aurait pu partager une bière. Oui, à la fin, genre, clac, merci, madame, clac. Non, mais pour vrai, il y a plus de plans rapprochés des jeans du gars. Pour vrai, là. C'est peut-être pour ça que j'aime la pub. Ouais, hein? Le gars, il est clean cut pas mal, hein? C'est un fermier très, très propre. C'est ça. Nationwide, on reste dans le Super Bowl de l'année qui s'en vient, de l'année prochaine. Oui. Nationwide qui ne va pas faire de suite à sa publicité Dead Boy. Est-ce que tu te rappelles de la publicité où le garçon, dans la publicité, à la fin, s'est révélé qu'il est mort? Non. Il n'y aura pas de suite à ça. Oui, au Super Bowl Xlix, XLIX 49, qu'on va appeler. Ouais. Donc, il y avait une publicité qui s'appelait Dead Boy. Ça montrait la mort d'un jeune garçon à cause de blessures qui auraient pu être prévenues dans sa maison. Donc, ça générait des commentaires négatifs par rapport au fait que c'était vraiment morbide et que ça cassait le party pas mal. Quand tu manges une aile de poulet et tu regardes un show de football. Ben là, je suis comme d'accord. Donc, c'était critiqué pour le fait que ça jouait aussi sur la peur de la mort d'un enfant pour vendre de l'assurance. Je pense que c'est clair que faire peur aux gens, c'est la méthode utilisée le plus pour la vente d'assurance. Donc, on a une publicité cette année beaucoup plus légère. Mettons, on va être Mindy Kaling, qu'on connaît de l'émission The Mindy Project. Donc, vous pouvez aller retrouver l'ancienne publicité. Du moins, une photo. Si vous cherchez Nationwide Dead Boy sur YouTube, vous allez la trouver assez facilement. Et la nouvelle Mindy Kaling. C'est ça. C'est juste pour dire qu'il n'y aura pas de suite à Dead Boy, puis que je pense que tout le monde est bien content. Je pense aussi. Il y a aussi Mercedes qui dit qu'il ne reviendra pas parce que ça l'a pas vraiment aidé les ventes en 2014. Ben, tant qu'il a dépensé des millions de dollars sur le Super Bowl, puis ça fasse le même nombre Mais c'est fou, là, quand même, quand on y pense, là, de payer son temps de publicité au Super Bowl. Oui, mais en même temps, est-ce que la solution est d'arrêter de dépenser au Super Bowl ou encore de demander à une meilleure compagnie de créer des pubs plus vendeuses? Hein? Oh! Tu sais, rendu là, le même montant, mais avec une compagnie qui va te donner un résultat. Qui peuvent peut-être une compagnie même qui a déjà fait ses preuves en termes de Super Bowl. Peut-être. Ça serait peut-être un meilleur investissement, bande de lâches qui abandonnent. Hein? Mm-hmm. Stupid quitters. Peut-être. T'as peut-être raison là-dessus. Je sais pas, moi j'avance des affaires parce que je suis pas un gars de marketing, je suis un gars qui aime en parler. Oui, c'est ça. Une chaîne d'épicerie maintenant qui rappelle à sa clientèle de vérifier leur melon dans une publicité pour le cancer du petit téton. Donc, c'est le mois d'octobre qui était le mois de pour savoir que le cancer du sein existe, finalement. Oui, oui, oui. Le Breast Cancer Awareness Month. Évidemment, on n'a pas à arrêter de se pogner les seins le reste de l'année aussi. Là. C'est pas parce que c'est juste le mois d'octobre. Non, c'est vrai. Non, mais attention. Je dis ça, sein est un terme médical. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu peux rire de moi pour le mot tétion tantôt, mais pour le mot sein, c'est un terme médical, j'ai le droit. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, au Canada, tu connais ça? Le Canada? C'est au nord des États-Unis. Je suis pas sûr, mais je pense que je viens d'être là. Donc, ah oui, Colin, hey, t'es tellement étrangère et exotique. Tania Bodine, c'est ça l'affaire. Bodine, oui, c'est de là que ça vient, c'est du Canada. Donc, elle achète l'épicerie Nestor's Market. Oui. Tu te connais ça, c'est dans ton coin. Comme tu te connais, Alexandre Chose, c'est du monde du même pays, tu connais tout le temps. Quand tu connais un Africain, tu dis, ben oui, tu connais sûrement un autre Africain. C'est clair. Bref, donne à ses melons. Mm-hmm. Pendant cette semaine précise du mois d'octobre, un petit makeover, une petite transformation extrême pour rappeler aux femmes de se vérifier la poitrine pour le cancer du sein. Donc, chaque cantalou, melon miel et mini melon d'eau avait un autocollant « Have you checked yours? » T'as-tu pogné tes tiens? Non, attends. As-tu vérifié les tiens, ouais. As-tu fait un check-up? J'aimais mieux « T'as-tu pogné tes tiens? » donc, la campagne qui durait d'un dimanche à un samedi, avec une adresse internet « Don't forget to check », oublie pas de te checker, avec une des informations sur le cancer du sein et des conseils de prévention. Une campagne organisée par l'agence publicitaire Rethink pour la Canadian Breast Cancer Foundation et leur semaine « Don't forget to check week ». Les 11 magasins Nestor's Market de Colombie-Britannique et de l'Alberta participaient à cette campagne, qui demandait évidemment aux gens de se pogner les seins pour surveiller, savoir si t'as un cancer mm-hmm. quelque part. Évidemment aussi, on rappelle que c'est pas juste une question de se poigner mamelon. C'est aussi une question d'aller se faire vérifier avec des mammogrammes. Faut aller un petit peu plus loin une fois de temps en temps, parce qu'on dit que 18% de tous les cancers du sein sont diagnostiqués chez des femmes de moins de 50 ans. Donc, une cause extrêmement importante. Et donc, c'est ça, on voit les melons avec l'autocollant qui est apposé directement sur la petite tige du melon mm-hmm. pour faire, en effet, le mamelon. Tous les melons du magasin avait cet autocollant-là, donc c'était facile à voir. Et sur les publicités imprimées, ça dit « Have you checked yours? Avez-vous vérifié les vôtres? » Et c'est marqué « C'est la semaine nationale, n'oubliez pas de se checker ça chez Lester's Market. » Voilà. Oui. Voilà. cbscf.org. Mais c'est vrai que même en tant que femme, on pense pas, tu sais, c'est comme l'alcool au volant, là, tu sais, on pense tout le temps que ça arrive à quelqu'un d'autre, puis on prend ça un peu à la légère. On connaît tous quelqu'un qui l'a eu ou qui va l'avoir, tu sais. C'est ça. C'est ça. Les chances sont pas mal fortes. Voilà, ça va être tout pour le bloc pub. J'en ai fait pas mal plus long que prévu, donc les liens sont sur assemblagerequis.com. On aime ça parler de ça une fois de temps en temps à Assemblage Requis, principalement les mardis. Dans quelques instants, ce sera Tania Baudin qui va nous raconter son voyage à Las Vegas, Nevada. Las Vegas. Dans quelques instants, donc en piste avec Tania Baudin. Puis je vous conseillerais de rester à l'écoute et de tousser un petit peu dans votre coude. Ouais, pour, peut-être. peut-être ramener la voix pour la chronique, peut-être. Et, hein? On va travailler là-dessus. Vous êtes ensemble à jouer qui reste là. C'est assez, c'est assez, c'est assez, c'est assez. 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 24 novembre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, elle est de retour. Je suis de retour. Enfin, enfin, on s'est ennuyé de toi hier. Oh, merci, vous êtes gentil. Je te l'ai pas dit depuis le début de l'émission, là, mais c'est vrai quand même que c'est long hier. Oh, t'es fin. Pas mal moins de plaisir. On a failli se parler, mais ouais, non, je suis désolée. Ben, en fait, on va commencer la chronique. Ouais. Puis quand on va être rendu à ce moment-là de la chronique, on expliquera la situation. Donc voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à Vegas, maintenant elle est à Trois-Rivières. C'est Tania! She's gonna entertain ya. Ta ta la la la la la la la. Vigagagagagagars, les dons, c'est bizarre, gagagagagars, c'est bizarre. She's gonna entertain ya. Vigagagagars, pas sûr de ça. Vigagagagars. Ouais, bref, you had a gas, comme on dit. Tu as eu beaucoup de plaisir. I did. À Las Vegas pour couvrir des affaires de char. Donc, pour ouais. en parler, étant donné que c'est des affaires de char, on pénètre, une fois rendu, dans Tania is gonna entertain ya. Oui. Dans En piste avec Tania Baudin. Toujours aussi subtil, ça. Hey, yeah. Et ouais. Oh, oui. Hein? Le je savais, il était où? Il s'en venait, le Q. Exactement. Ah. Alors, j'en avais un petit peu discuté la semaine dernière, la raison pour laquelle je volais vers Las Vegas. En fait, c'était l'événement, le grand événement tant attendu du Supercard USA, le Supernats. En fait, c'était la 19e édition cette année. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dirigée, là, comme ça, là, vers Las Vegas. Pour une autre vendredi. Job, là, quand même pas juste pour le plaisir d'aller voir des courses de chars. Ben, je te dirais que ça pourrait être ça à un certain point. Tu sais, j'aurais pas de difficulté à le faire. Ça t'aurait coûté plus cher, ça. Ouais, c'est ça. Mettons. Exemple. Mais oui, c'est sûr que j'y allais de façon à couvrir l'événement. Premièrement, pour l'émission ici. Deuxièmement, aussi pour un site, un blog de voyage dont je suis collaboratrice, okay. comme je vous disais la semaine dernière. Donc, après notre émission, en fait, je vais mettre l'écriture de cette fameuse article. Oh! Après avoir travaillé pour C'est fou, bien sûr. Ben oui, évidemment, ben évidemment. Oui. Et en fait, c'était la première année, cette année, que le SCUSA était à une autre place que les années dernières. Donc, pendant plusieurs années, on a été jumelés à la fameuse hôtel Le Rio à Las Vegas. Et cette année, c'était la première fois qu'on changeait d'endroit, qu'on changeait de piste aussi. Et c'était du côté du Westgate, pour ceux qui connaissent un peu West Las Vegas. Westgate Represent! Westgate Represent, c'est complètement différent du Rio. C'est aussi à l'opposé du Rio. Donc, si les gens connaissent un petit peu la strip, le Rio étant à une extrémité, le Westgate étant à une autre, déjà en partant. Donc, ça te change un peu tes points de repère. Okay. Mais deux points de repère en stéréo, si on veut. Hein? Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça. Et comme je le disais, c'était la première année que c'était à une place différente, donc une nouvelle piste. Du côté je veux pas vraiment dire professionnel, mais plus sportif, en fait. Je dirais que on s'attendait à ce que la piste soit mieux que ça pour plusieurs. Comment il y a beaucoup de pilotes qui disaient que la piste était peut-être pas dans ses meilleures conditions qu'elle aurait pu être, ce qui amenait beaucoup, beaucoup de difficultés à piloter de façon agréable. Certains pilotes canadiens ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec justement cette fameuse piste-là, dû au fait que c'était très, très, très bossé. Ah. Donc, ce qui arrive, c'est que évidemment, du moment que c'est bossé, tu perds un petit peu de traction avec la piste. Et ce qui fait en sorte que plusieurs pilotes, que ce soit canadiens ou américains ou européens, se retrouvaient dans les airs. Oh, wow. Et si la personne derrière jugeait pas la distance très bien, ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'accidents. Est-ce qu'il y en a eu? Il y a eu beaucoup d'accidents. Ouais. Je te dirais qu'il y a... Dans le monde de la course automobile, quand il y a un très gros accident et qu'on croit que ça vaut pas la peine de laisser les gens courser pendant ce temps-là, qu'on a une intervention directe à faire, on va mettre un drapeau rouge. C'est la première année que je voyais l'événement sans drapeau rouge. Ah. Par contre, j'aurais mis des drapeaux rouges à certains moments. OK, okay, ben, parce que les autres sont habitués à être tellement à avoir des accidents, tellement ben, plus sévères que ça, j'imagine ben, que c'est ça exactement. Moins pire. Genre. C'est ça. Ouais. Puis je te dirais un peu que les Américains, ils aiment ce côté spectacle-là. Ben, oui. Très casse-cou. Donc, il y a beaucoup de coins de piste qui étaient faits en entonnoir, ce qui fait que tu pouvais arriver à 5 de large dans le premier coin ben après le donc. Départ. Ce qui fait en sorte que ça créait des bouchons incroyables. Ouais, c'est de provoquer... Mais c'est que tu peux pas nécessairement gérer la personne en avant de toi. Ouais. Quand est-ce qu'elle va freiner. Et tu peux pas non plus gérer le gars qui se fait pousser en arrière de toi pour justement prendre comme 4 positions sur le départ en partant. Donc, ce qui arrivait beaucoup, c'est que les fameux bouchons arrivaient dans le coin numéro 1 après la ligne départ arrivée. Ce qui créait, mon Dieu, parfois on voyait la moitié du peloton enfler un par-dessus l'autre. Mais à ce moment-là, personne ne mettait de rouge. On faisait simplement mettre un peu comme en NASCAR ce qu'on appelle un full course yellow. Donc, un jaune à tous les coins. Okay. Ce qui fait en sorte que les pilotes ralentissent considérablement. Ils arrêtent pas automatiquement sur la piste, mais ils ont plus le droit de dépasser et ils se doivent de ralentir. Okay. Donc, on l'a joué un petit peu plus côté NASCAR, je te le dirais, de ce côté-là. C'était la première fois que je le voyais comme ça au Scusa, parce que les années dernières, on se gênait pas de mettre un rouge si jamais il y avait quelqu'un qui, excusez-moi le terme, là, mais qui flippait. Et cette année, c'est la première fois que je voyais quelqu'un flipper. On mettait pas de rouge, on faisait simplement mettre un jaune partout. Hey, c'est pas pareil que Canal+ soit approprié le mot flip. Ouais. Pour flip de maison, flip de fille. Flip mon garage. Là, c'est rendu eux autres qui se sont appropriés ça. Ah ouais, je sais. Faut que tu te reprennes le mot flip. C'est ça. Je vais pouvoir le réutiliser. Ouais. Donc, du côté sportif, par exemple, je dois avouer qu'on a eu d'excellentes courses. Il y a plusieurs résultats qui sont arrivés. Pas surprenantes. Par contre, comment je pourrais dire? Très, très, très... émotives pour les pilotes. Mm-hmm. Je pense entre autres à un pilote américain, Louis Pagano, qui avait gagné plusieurs événements lors du championnat cet été et qui, là, cette fin de semaine, se voyait remettre une bourse de 16 000 $ en gagnant cette épreuve-là, ce qui venait conclure le championnat. Ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de pilotes qui viennent au Scusa, c'est qu'il y a une bourse à la fin. Ouais. Il y a quelque chose qui dit « T'as terminé troisième aujourd'hui, ben on te donne 3 500 $ ben, d'être récompensé pour ton travail. Mais exactement, tu sais, il y a une catégorie qu'on appelle la catégorie pro aux États-Unis, au Scusa, ce qui est la S1, en fait. Puis, en théorie, ce sont des pilotes qui gagnent leur vie à faire ça. Ouais. Tu sais, ils vont pas nécessairement avoir un autre travail. C'est ça, va être des pilotes. Faut que tu gagnes absolument, sinon t'as pas d'argent. Ben, c'est que ça fonctionne un peu comme ça aussi. Des commandites aussi. Ben, ce qui est le fun, en fait, quand tu vas participer au Pro Tour ou tu vas participer au Scusa, c'est que le chèque que tu reçois bien souvent, il va pouvoir justement rembourser cette fameuse saison-là que tu t'es permis ou encore payer la prochaine. Mm. Tu sais, juste de participer à l'événement, c'est à peu près 5 000 $ Ah, OK, wow. Avec tout le voyagement, tous les pneus, tout ce qui est technique. Veux pas, chaque pilote professionnel arrive avec un mécano. Faut qu'il paye. Et lui aussi, il gagne sa vie avec ça. Mm. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment important de prendre en considération que, crime, si tu veux du monde qui vienne, donne-leur quelque chose en retour. Surtout des professionnels. De ce côté-là, comme je l'ai dit, on a eu le droit à d'excellentes courses. Il y a l'Américain Gary Colton qui a gagné pour la première fois en quelques années. Ça faisait quelques années qu'il n'avait pas touché un kart ici aux États-Unis. Ici en Amérique du Nord, mettons. Hey, arrête de vivre dans le passé. Non, mais ici en Amérique du Nord, par exemple, parce qu'il est rendu en Europe. Il travaille pour une équipe là-bas. Et puis, c'était la première fois, en 9 ans, qu'un Américain gagnait la fameuse course du Scusa. Ah ouais. Parce que c'est tellement devenu international comme événement qu'à chaque année, c'était un pilote soit de l'Europe, soit de l'Italie ou, tu sais, Canada, je pense, ça s'est déjà vu. Mais c'était la première fois en 9 ans qu'un Américain reprenait le dessus et gagnait. C'était très beau à voir, en fait. C'était très émotif. Gary Colton, il pleurait après la course. Ah. C'est des gars aussi qui, rendus à une trentaine d'années, tu te dis, est-ce que je peux encore continuer? Mm. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je continue? Je pense, entre autres, à un pilote qui a coursé ici très, très souvent, qui est Fritz Leisman. Donc, il est connu quand même au Canada pour avoir coursé ici. Ça n'a pas été comme il voulait cette fin de semaine, mais c'est un pilote comme, justement, il est rendu à une trentaine d'années. Tu te demandes, qu'est-ce que je fais, là? J'ai fait ça toute ma vie. J'ai été pilote d'écurie en karting, mais j'arrive à un point où que peut-être je suis peut-être pas au niveau compétition encore comme je le voudrais. Mmh. Tu sais, la plupart du temps, ces fameux pilotes-là vont devenir des coachs pour les plus jeunes ou ils vont devenir encore mécanos. Ils vont rester du côté de l'écurie pour monter les moteurs, ce que fait Gary Colton en Europe. Mais reste quand même qu'un pilote de course veut toujours être sur la piste à performer. Donc, de ce côté-là, c'est quand même assez difficile parce qu'on avait plusieurs nouveaux pilotes qui étaient en piste versus des gars très, très, très expérimentés qui ça fait des années qu'ils sont là. Donc, le niveau de compétition était extrême en fin de semaine. Puis c'est ça qui a été le fun à voir. Puis, je suis contente, en fait, d'avoir vu que, oui, il y a eu des accrochages, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Si je me souviens bien, les années dernières, tu pouvais pas passer, exemple, 5 tours sans avoir un drapeau rouge. Mmh. Puis là, du moment que tu fais un drapeau rouge, ben ça peut prendre X temps avant de reprendre la course. Tu sais, tu peux passer, exemple, une heure à attendre une ambulance. Hey. Donc, de voir, en fait, qu'on avait mis ce fameux drapeau jaune-là généralisé à la façon NASCAR, ça laissait quand même le spectacle, ça laissait les gars en piste et ça les laissait rouler, surtout. Mmh. Puis je dois avouer que l'équipe de direction de l'événement a fait un très bon travail. Ça s'est super bien géré. Et de ce côté-là, je lève mon chapeau. Wow! Du côté de tout ce qui était promotion, Westgate, puis tout ça, je l'ai dit, c'était une nouvelle place. Il y a beaucoup de gars aussi qui disaient que l'hôtel était peut-être pas au niveau des attentes que certaines personnes avaient. Donc, la piste et l'hôtel n'étaient pas à la hauteur des attentes à l'heure. Bien, c'est parce que quand que tu passes tant d'années à une place et que tu y mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à améliorer cette place-là et que tu décides de refaire une année zéro ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait être vraiment, là, excusez-moi l'expression, mais sa grosse coche. Ouais, ouais. C'est difficile de faire ça à la première année zéro. Il faut prendre en considération que oui, l'événement, ça fait 19 ans qu'il existe. Par contre, du moment que tu changes de facilité, c'est une nouvelle année. Il faut recommencer. Il ne pouvait pas, je ne sais pas si ça dit en français, mais repaver, oui, ça le dit, repaver la piste en entier, en arrivant à la première année. C'est ça. Et là, ils vont pouvoir vraiment analyser la situation et voir qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Puis là, est-ce que c'est permanent comme déplacement? Est-ce que ça va toujours être là dorénavant? Bien, je pense, en fait, que comment ça fonctionne, c'est que l'événement doit signer un certain contrat nombre d'années avec l'hôtel. J'espère qu'ils ont signé un long contrat. Bien, c'est parce que, écoute, c'est au-dessus de 550 pilotes qui étaient là cette fin de semaine. Ouais. Mais 550 pilotes qui restent dans un hôtel, ça t'amène de la clientèle à mon Dieu. Oui, oui. Fait que, veux pas, un pilote arrive pas nécessairement tout seul. Il va arriver avec son mécano, peut-être avec sa mère, son père, tout dépendant de l'âge du pilote. Ouais. Donc, ça te fait vendre des chambres, là. Tu peux pas dire le contraire. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain contrat versus le nombre d'années qui doit être mis en place. Le nombre d'années qu'on va être là, ça, je pourrais pas te dire. Par contre, je sais que le président de l'événement avant-hier, nous disait justement qu'il avait pris en considération tous les commentaires qui avaient été donnés par les pilotes, tous les commentaires qui avaient été donnés aussi par les dirigeants d'écurie qui disaient que peut-être que les puits, les enclos n'étaient pas nécessairement très bien faits, que c'était très difficile sur la mécanique des karts d'avoir une piste aussi bombée. Donc peut-être que déjà de ce côté-là, l'année prochaine, on va avoir des améliorations qui vont être quand même prises en compte. Il y a des choses plus faciles à modifier que d'autres. Bien, c'est ça. Tu sais, puis comme je le disais, faut être patient. Mais un pilote de course, c'est jamais vraiment très patient. Puis de toute façon, du côté, tu sais, c'est un événement qui mise aussi sur le fait qu'on est à Las Vegas. C'est le fun d'être à Las Vegas, de rouler à Las Vegas. D'où la raison pourquoi j'ai une voix comme ça aussi un petit peu. Tu trouves, tu sais. Comme ils disent, tu enjoy Vegas pour être à Vegas. C'est ça. Fait que tous les pilotes ont en quelque sorte eu un très bon moment pareil. Ouais, c'est ça, ça fait la fête pas mal partout. Mais là, tu disais genre, tu sais, en ce moment, j'ai l'impression qu'il est 4h15 du matin. Avec 3 jours, t'as eu le décalage horaire. T'es sûr que quand il était 4h15 là-bas, tu disais pas, je me sens comme si c'était 7h15 au Québec? Non, parce que... C'est pas le contraire, non? En fait, je vais t'avouer que la première journée où on est arrivé, oui. Parce que là, tu vas aller souper, il va être rendu comme 7h, mais toi, dans ta tête, il est comme 4h. Et... parce qu'on est 3h de décalage, ouais, en fait. Il est 3h plus tard. C'est ça. C'est comme si t'étais en Californie, c'est 3h plus tard d'ici. Quand tu soupes à 5h, il est 8h ici. Exactement. Tu files comme si c'était plus tard. C'est ça. Okay, ouais. Fait que tu arrives à une certaine heure où que soit ta fatigue va devenir de l'adrénaline, ou soit tu vas vraiment comme tomber puis tu vas vouloir aller te coucher. Mais ce qui arrive, c'est qu'à Las Vegas, justement parce que partout c'est des casinos, ils lancent de l'air et de l'oxygène dans les systèmes d'aération. C'est vrai. Ce qui fait que tu ne te sens jamais fatigué. C'est prouvé, ça? C'est prouvé. Il y a plusieurs casinos qui le font à Las Vegas, justement, pour garder les joueurs en bas, pour qu'ils puissent continuer à gambler toute la nuit. Donc, toi, tu pensais vraiment qu'il était rendu 7h15 dans ta tête, mais tu savais pas parce que tu te sentais en forme encore. Mais c'est parce que tu la sens pas, ta fatigue, à un certain moment, jusqu'à temps que tu sortes de cette fameuse établissement-là. Tu sais, si tu sors, là, tu vas te sentir fatigué parce que tu n'as plus cette espèce de pitch d'oxygène-là. Ouais. Mais si tu restes au bord de l'hôtel, exemple, avec des amis, mais tu ne sentiras pas ta fatigue parce que, justement, c'est considéré, tu sais, c'est pris en considération que tu vas rester là si tu n'es pas fatigué. Ouais. Ce qui est le fun avec Tania, on l'a déjà raconté, je crois, en ondes, c'est qu'en plus, elle n'a pas de vésicule biliaire et ne ressent pas l'alcool frappé. Non, mais je dois t'avouer que cette année... Le combo de « tu sens pas le sommeil », tu sens pas ton alcool », a dû faire une belle fin de semaine. Je dois t'avouer qu'on a été très responsables. Ah oui? Oui. Mon amie, elle a pris ce voyage-là comme sa fête de 21 ans. Elle avait eu 21 ans, il y a peut-être 2 semaines. Ouais. Donc, on a pris ça comme « célébrons tes 21 ans comme il se doit à Las Vegas ». Ouais, c'est ça. Non, on n'a pas trop joué dans les shooters, moi, t'avoue. Même elle a dit, on le disait hier ensemble, « Crime, on a quand même été responsables. On a bien fait ça. On aurait pu être beaucoup pire que ça, maintenant. » Ah, c'est bien ça, c'est sage. Ouais. Oui, il n'y a pas personne qui a été malade. Fait que de ce côté-là, on est bien contents. Tout va bien. La compagnie de location de char, je ne sais pas quoi, était bien contente aussi, non? Oui, probablement. Mais on a quand même failli rester à Las Vegas. Tu veux dire pour toujours? Ben, anecdote, nous, on avait loué un chauffeur qui venait nous chercher à l'aéroport, qui nous amenait à l'hôtel et de l'hôtel à l'aéroport. Ouais. Mais hier matin, ce fameux chauffeur-là est arrivé en retard. Ah. Ce qui fait en sorte que, tu sais, oui, à un vol international, il faut que tu arrives d'avance, sauf que si tu arrives en retard, tu sais jamais comment ça va être à la fameuse sécurité. C'est sûr, ça. Alors, t'as jamais vu deux filles courir qu'on est malade dans un aéroport comme ça? je te le jure, en fait, à Las Vegas, comment ça fonctionne, c'est qu'après avoir passé la sécurité, il y a des trains qui t'amènent à ta station de décollage. Okay. Et en sortant du train, là, je te jure, il nous restait 2 minutes pour arriver à la porte avant de manquer notre avion. Mais ça a marché. Ça a marché. J'ai jamais couru comme ça. C'est un peu pourquoi ma voix est comme ça. C'est parce qu'on est arrivé puis on n'était plus capable de respirer. Wait for me! On est arrivé à temps. On n'était pas les dernières à rentrer dans l'avion. Moins. Mais parce qu'il y avait aussi d'autres gars qui nous suivaient, qui étaient sur le même vol que nous. Il y avait juste l'air de courir après vous, mais ils couraient après l'avion. Peut-être. J'étais toute bien contente. Allez, cours le grand. On est devenus des amis de vol là, après ça. Hein. C'est à la prochaine escale. Toutes nos escales étaient ensemble, mais on a failli rester à Las Vegas. Mais tu m'as appris quelque chose qui m'a surpris, là, que les chauffeurs de limousine, c'est pas comme dans les films, là, ils ont plus des pancartes de carton avec... Non, c'est un iPad. C'est un iPad. Mais ça dépend, en fait, de quelle limousine. Ça défait l'émotion. Ça défait la chose, là. Je sais. Tu sais, d'avoir pris le temps d'écrire ton nom en être attaché sur une grande pancarte. Je suis d'accord. Tania! Mais c'est quand même le fun. Tu sais, mon amie était bien contente, là. j'avais décidé de lui de prendre la grosse limousine justement parce que c'était ses 21 ans. Ben oui. Donc quand elle a réalisé en fait qu'on n'allait pas nécessairement prendre la navette de l'aéroport à l'hôtel, on a eu bien du fun. Ouais. On peut pas dire qu'on n'a pas eu du fun. C'est le fun. Non, tu sais, 21 ans, c'est ça, c'est son anniversaire de pouvoir boire aux États-Unis. C'est pas juste parce qu'elle a 21 ans, c'est un beau chiffre. Là. Exactement. c'est ça, c'est que là, on pouvait s'en donner à cœur joie, mettons. Ah ouais. On a eu on va se souvenir longtemps de ce qui s'est passé, mais ce qui se passe à Vegas, ça reste à Vegas. C'est ça. On saura ça en ronde. Exactement. C'est ça. Et là, je me suis dit, parce que du côté musical ce matin, c'était assez difficile de faire un choix. Ça, littéralement, à chaque chronique, je trouve. Je sais. Ouais. Je sais, ça dépend toujours du sujet. Hein. Mais je me suis dit que j'allais y aller avec la pièce « Don't Fail Me Now ». Pour que justement mon esprit me lâche pas ce matin. Je pensais que c'était ton foie, genre. Non, mon foie va très bien, honnêtement. Don't fail me now. Don't fail me now pour pas que mon esprit me lâche puis je reste éveillée. Oh, don't fail me now. Don't fail me now. Much right now, it's gonna slow me down. Waiting around too long, it's gonna wear me out. Giving to wandering eyes, I'll hit the ground. We're all fighting in the battle of the lost and found. It feels like I'm getting closer. Faith is all we need. Don't fail me now de Saint-Raymond. Je me disais que c'était de circonstance ce matin pour pas que mon esprit me laisse et que je tombe à plat comme ça durant la journée. C'est ça, il te reste encore quelques heures de journée à faire, là. Oui, j'ai de la job à faire. C'est ça, écrire ton blog de char puis des affaires de même. Des affaires aussi à la station ici. C'est ça, faire, exactement. Hein. Rattraper le temps perdu après une journée de congé. Merci Tania Baudin. Ben merci Mathieu. On parlera de d'autres choses de char une autre fois dans En Piste avec Tania Baudin. C'est sûr. Et Tania Esgalin, Tania tous les jours de semaine où on parle de sujets différents à chaque fois. Au retour, dans les prochains instants, on va avoir Gabriel Béhoud. Il devrait se joindre à nous dans quelques minutes avant même sa chronique. Ça devrait arriver. En temps normal. Ouais, en temps normal. On a aussi d'autres affaires à faire. Mais pour l'instant, on a des messages de commanditaires. Oh! Vous êtes assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce mardi 24 novembre 2015. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Ah, tu l'as pas oublié en allant à Vegas. Je sais. Une chance de pas oublier mon nom là-bas. Hey, hein? Je sais pas ce qu'on ferait. Ça aurait été terrible, tu m'aurais jamais pardonné. Je pense pas, non. Yeah. Ah, en tout cas, je te pardonnerai pour le reste des choses. Un jour, tu gagneras ton ciel. Ouais. Dans quelques instants, on disait que Gabriel Béhoud s'en venait pour parler d'improvisation dans la prochaine heure qui s'en vient. Mm-hmm. On a aussi, je pense qu'on va faire les exclusions d'assemblage dans quelques instants. Ouais. Avant ça, par contre, une chanson de Elvire. Qu'on aime beaucoup. Oui, peut-être qu'un jour, tu pourrais y retourner. Si tu payes à la place de te payer une limousine, tu te payeras une fusée pour retourner à Vegas. Oh. En passant par la lune. Return to the moon. D'Elvire. Assemblage. A ticket with a leg of a cricket, and I got triple Jesus. Cashed it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are flattered. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Return to the moon. Please. But I saw one of fish from a colorblind witch, 'cause she said she loved it. Tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you freeze. Return to the moon. I'm tired. Gotta go somewhere, then you better go somewhere far. Return to the Moon, assemblage requis. Maintenant, c'est le moment d'apprendre un peu comment mieux vivre. Des fois, on a besoin de conseils. Et comme nos parents ne sont pas en studio pour nous le dire, ben, on va le dire nous-mêmes à nos parents, peut-être. Ah, peut-être. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage de chronique dans laquelle on apprend des choses pour mieux vivre et pour participer à la chronique aujourd'hui, au moment où il le voudra bien. Gabriel Béaud est avec nous. Oui. Bien le bonjour. Salut. Bon matin. Salut. Yeah. Gabriel qui s'en vient tout à l'heure pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. Donc aujourd'hui, on commence avec des affaires alimentaires un peu pour éviter. Et là, ça va vraiment avoir l'air de trucs qu'on retrouverait dans un magazine que TVA a décidé de fermer. Genre le lundi ou je sais pas trop quoi. Là. On commence en essayant d'éviter que ton pain deviennent humides en mettant de l'huile d'olive sur chaque tranche. Hein? Tu sais, du pain humide, là, ça ruine un dîner, ça. Oui, mais là, tu le mets quand? On va en lire, là. Ouais. Juste un petit peu tartiner de l'huile d'olive sur chaque tranche de pain, ça va donner un petit peu plus de saveur et ça va créer une barrière qui va empêcher l'humidité de prendre la place. Donc, c'est chez MoData qu'on partage ce conseil sur le blog, sur le site Cora. Donc, de mettre un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur des deux tranches de pain de ton sandwich. OK. T'as pas besoin de tellement beaucoup d'huile d'olive, un petit peu, quand même. Et tu tartines ça bien comme il faut. Et pour le goût, t'es mieux avec de l'huile d'olive que d'autres sortes d'huile. Oui, mais d'autres ça. Huiles vont fonctionner quand même. Y a pas de problème avec ça. Même du beurre va fonctionner aussi pour empêcher l'humidité. Mais évidemment, mettre du beurre sur le pain, c'est un peu gras. Donc puis c'est pas nécessairement bon dans un sandwich. C'est ça. C'est ça. Puis l'hiver, on conseille la 5W30, l'été de la 10W30. Exactement. Exactement. Miam, miam, miam, miam, miam. Rien t'sais? De meilleur. Tu sais, un petit coup sur le dos, un petit coup sur le pain. Un petit coup sur le dos, un petit coup sur le pain. Sinon, ça dit aussi qu'on est peut-être mieux de mettre de l'emballage plastique quand on met son sandwich dans son lunch. Si les ingrédients de ton sandwich sont extra humidifiants. Mm-hmm. Donc, c'est comme exemple une tranche de tomate. Oui, ou un pickle. Ouais. Ça fait le même. Donc, t'es mieux de mettre de l'emballage plastique. Ensuite, une recette pour faire des mini tartes aux pommes en environ 15 minutes. On aime la tarte aux pommes, on aime ça, c'est typiquement américain. On veut s'insérer dedans tellement c'est bon, comme dans le film. American Pie, en effet. C'est ça, on va tous faire ça, sinon on l'a tous déjà fait. Avez-vous déjà fait ça, sérieusement, là? Dites-moi là, matin, là, c'est le temps de faire ça. À vous, là, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. Jamais dans une tarte aux pommes. Il n'y a jamais eu de tarte assez profonde pour moi. Ils disent tout ça. Ouais, c'est ça. Faut y aller à l'horizontale de la tarte. Oui, une mini recette de tarte aux pommes. Non, une recette de mini tarte aux pommes. C'est, c'est des roulés aux pommes, plus, je dirais. Ouais, on dirait quasiment des petits chaussons. C'est des petits chaussons, parfait pour le dîner, peut-être avec ton sandwich dans un emballage plastique. Hein? Ah, ben oui. Parfait pour une fête aussi. Hein? Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre des tranches de pommes et mettre ça dans un croissant, tu sais, des petits croissants à rouler, le Pillsbury. Ouais, c'est ça, style Pillsbury. Exemple, style Pillsbury. Est-ce qu'il y a des marques maison de Pillsbury? Bonne question. C'est une bonne question. Probablement que President Choice ou Walmart ont ça. Peut-être. Great value. Pas mal sûr. pas le choix quasiment, il me semble. Sinon, c'est une opportunité ratée pour eux autres. Donc, on va enrouler les pommes à l'intérieur de ce roulé Pillsbury-là style. On va brosser dessus du beurre fondu. Sprinkle au goût de cannelle et de cassonade. Ah ben oui, évidemment. Puis on se call-in ça au four entre 12 et 15 minutes. Ça dit pas à quel degré, mais call-in, regardez dans le four, vous allez voir, c'est vrai, voyons. Quand, tu sais, quand ça devient doré sur le dessus, là. Oui. Et anyway, le truc, là, quand t'es pas sûr de mettre quelque chose au four, 350 ou 375. C'est un bon vrai. Guess. C'est pas mal la bonne vrai, température. Hein. Comme dirait ton ami, jusqu'à ce que ce soit Cynthia Doré. C'est un inside, parce que son ami, elle s'appelle Doré. Son nom de famille, c'est Doré. Tu sais, quand tu t'appelles Doré, hein, c'est parce que t'es parfaite demain. C'est Doré. Oh, chien. Mais prenons. Hey, le défait pas mon jeu de mots, ma maudite. Elle revient de Vegas, puis déjà, à part ce qu'elle peut dire quoi faire. Pourquoi tu dis mon air, radio? C'est ça, on la salue, tu sais. Donc, parfait pour l'action de grâce, peut-être, américaine. Si vous avez des jeux, peut-être que vous allez célébrer la Thanksgiving à Las Vegas. Peut-être. Eh bien, il y en a beaucoup qui. Fêter ça. Ça a commencé, là. Oh, ouais, oui. Ça s'est tiré sur le mois complet, ça. Il y avait des parties de Thanksgiving, là, à Tom. Pouvais-tu commander, genre, de la dinde au casino ou des trucs genre? Non, malheureusement, non. Oui. Mais il y avait des drinks spéciaux. Il y a certains bars qui avaient des drinks spéciaux. Au gravy. Ou à cannelle, puis ce genre d'affaires-là. Miam. Ouais. Fait qu'on est resté loin de ça. Il y avait pas une sorte de liqueur à sauce brune, genre? Ah. À un moment donné, c'était pas la compagnie... Tu sais la compagnie qui font des liqueurs bizarres, là, avec des étiquettes... Ah oui, oui, Jones. Oui, Jones, exactement. Ouais, ouais. Il y en avait pas une genre au pâté chinois, je sais pas quoi, puis une à gravy. Oui, il en faisait à des sortes vraiment bizarres. Là. C'est hot, moi je goûterais à ça, c'est clair. La sorte ongle d'orteil, là. Ah, c'était franchement. On reste un peu dans... Pas ce qui est alimentaire, mais ce qui reste autour de la bouche. C'est vrai? Oui. C'est étrange comme ça, mais c'est pour empêcher le rouge à lèvres de rester sur la coupe de vin, finalement. Ah, oh, vite, vite, dis-moi le truc. C'est super sexy, du rouge à lèvres sur des lèvres, mais sur... Sur un verre, pas mal moins. Un petit peu moins. Donc, évidemment, ne pas porter de rouge à lèvres serait un conseil à donner, mais des fois, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Attention, c'est de mettre tes... attends un peu. C'est de mettre un petit peu de salive sur ton verre ou sur ta coupe. Attends, genre, ah, oui, lèche ton verre avant. C'est ça, exactement. C'est ce qu'ils disent. Et ça fonctionne, on voit une photo avant-après. On a avec sa langue, mis de la salive sur le verre. Et après ça, quand tu bois avec tes lèvres, ça reste pas sur le verre. OK. Le verre de fait gauche sur la photo mettons, a été léché. Là. Ouais. Mettons, oui. Là, t'es au bord, puis t'as du rouge à lèvres. Mets-toi à lécher ton verre, tu vas avoir l'air d'une Moses de nounoun. Mets à ton serveur de lécher ton verre, ça va baisser par association. Excuse-moi, peux-tu lécher mon verre, s'il te plaît, ça me tente pas. Je vais te donner plus de tips. C'est ça. C'est ça. Lèche-le que j'ai pas à le faire moi-même. En tout cas, c'est un drôle de conseil, mais ça J'suis fonctionne. D'accord. Très drôle de conseil. Ensuite, utilisez une bouteille de whisky pour partir un feu de camp. Hein? La prochaine fois que tu vas en camping, amène-toi une bouteille de whisky. Déjà, ouais. J'ai pas besoin de te dire ça. C'est déjà fait. Ah, Gabriel. Ah, Gabriel. T'aimes ça que j'aille quelqu'un d'autre vers qui diriger mes affaires? Tout à fait. Gab. Oui. Du whisky. Ben, moi, j'en bois plus. Oh, j'en bois plus. Non, j'ai eu une mauvaise expérience jadis. C'est fini. Ouais. Attends, wow. Je suis plus capable d'en sentir ou d'approcher de mes lèvres. Ça donne comme une allergie, genre. Ben, c'est comme. Un petit reflux, là. Je sais pas si ça ramène comme, tu sais, les souvenirs. Ouais, comme les souvenirs olfactifs. Je pense plus que c'est ça, c'est les souvenirs qui te reviennent. Puis là, t'es comme. Ouais, j'avoue. Des souvenirs que j'ai oubliés. C'est ça le problème, c'est en clair. Plus. Hey, il y a un bar aux États-Unis, il me semble, que j'ai vu à l'époque qui s'appelait Whiskey Business. Je trouvais ça hot. Oh, c'est cool comme ouais. Bref, on était en train de parler de camping, d'amener son whisky sans vouloir ramener de mauvaises anecdotes de Gabéoun. Donc, le site de camping, oui, il y a un site de camping sur Internet, Backpacker, qui explique dans une petite vidéo que la bonne bouteille de whisky peut être utilisée pour partir un feu de camp de plusieurs façons. La première façon est la plus évidente, oui, d'utiliser la bouteille de whisky elle-même comme accélérant pour démarrer votre feu avec un briquet. Je pense que ça va quand même assez de soi. Briquet qu'on devrait évidemment traîner sur soi quand on va camper. Si le briquet ne fonctionne pas, on peut aussi utiliser une bouteille de whisky ronde avec un peu d'eau dedans, comme loupe, pour envoyer les rayons du soleil sur tes petits copeaux de bois. Je vois. Pour partir un feu, et c'est expliqué en détail dans la vidéo, mais je pense qu'on a compris le principe. On peut, tu bois le whisky puis ça réchauffe. Ben voilà, c'est ça. Dans le pire des cas, là. Puis colle-toi sur quelqu'un d'autre. Ouais, mais si t'es en camping tout seul, là. Si t'es en camping tout seul, t'es un maudit loser. Si t'es en camping tout seul avec un 40 onces de whisky, c'est un peu une histoire. Viens nous en parler, là. On va jaser. C'est ça l'anecdote de Gabéoun. Il met ça sur le dos de quelqu'un d'autre, là. Arrêtez. Exactement. Ensuite, testez votre budget. Là, on reste dans l'alimentation un peu, de tester votre budget en ne mangeant pas au restaurant pendant un mois. Et que ça va être difficile. Donc, manger à l'extérieur, c'est une des façons les plus faciles de gaspiller votre argent. J'en suis le premier témoin. Je pense que tout le monde ici est au courant de ça. Donc, dans votre vie de tous les jours, ça va faire monter votre... ça va faire descendre l'argent que vous avez dans votre poche, finalement. Hein? Donc, arrêtez de manger au restaurant pendant un mois, selon le blog de finance The Yachtless. Un mois, sans restaurant. Un défi facile à relever si vous vous forcez un petit peu. Ne pas aller au restaurant, acheter à la place des produits en épicerie. Hein? Mm-hmm. Et éviter, c'est ça. Sinon, on dit, bah c'est ça. C'est pas mal. Ouais, finalement, c'est vraiment un conseil de marre. Hey, parlant de restaurant. Oui, vas-y. Ils devraient sérieusement penser à instaurer le monde de la poutine à Las Vegas. Bon, ça manque, hein. Puis hey, la poutine de chez McDo. C'est sûr que ça pognerait en plus. C'est sûr. Non, tu comprends pas, là, tu finis de boire, là, il est comme 3h30 du matin. Ouais. T'arrives dans ta chambre, t'as faim, là. Une bonne poutine, là. Une bonne poutine, c'est... Puis tu sais, au nombre de Québécois qui vont à Las Vegas, mais ça... c'est sûr que ça serait rentable. Mais avez-vous essayé la poutine que je suis en train de dire ça, chez McDonald's, à viande fumée puis à moutarde avec un cornichon? Ah, la poutine non. De Jeff Petrie? C'est super bon, ça. C'est, moi, c'est ça bon? Moi, je trouve ça a l'air dégueulasse. Ben non, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est une maudite bonne idée, en plus. Ah ouais? La tu as goûté, toi? Oui, j'ai goûté. C'est bon. Moi, j'ai aimé ça. Au bout, je vais m'en chercher d'autres tantôt. J'en veux. Suite. Ah ouais? Oui. Mon Dieu. Mon Dieu. Toi, Mathieu, là, qui consomme beaucoup de restaurants, ouais. Comment tu fais pour varier tes menus au courant de la semaine? Parce que c'est facile de tomber dans « je vais manger beaucoup de poutine ». Non. C'est tout le temps joyeux, manger beaucoup de poutine. C'est J'aime vrai? Varier, en effet. Je dirais pas que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un appartement qui était proche des rivières comme ça. Mais il y a beaucoup de restaurants aux rivières, puis en avant des rivières. Fait que je vais rarement, dans la même semaine, je vais jamais manger au même restaurant deux fois. Mm. Puis dans un même mois, je pense même pas non plus. Mais tu sais, j'ai l'air de manger beaucoup de fast-food. Je mange plus de cafétéria que de fast-food. Mais combien tu dépenses, mettons? Trop. Ah, oh, trop. Oh non, mais pour vrai, attends un peu, là. C'est pas. Mettons qu'il y a des mois qui sont moins représentatifs que d'autres. Ouais. Mettons. Tu le calcules-tu? Ben, en fait, je le calcule pas. Mais tiens, vu qu'on est dans les instructions d'assemblage, ça va coûter super bien. Parce qu'il y a une application qui s'appelle Mint. OK. Mint. M-I-N-T. C'est sur le web et sur téléphone intelligent. Mint, c'est par la compagnie Intuit, là, ceux qui vous occupent de vos impôts, là, mm-hmm. Des trucs comme ça. Intuit, on les voit souvent passer. Ce que ça fait, c'est que tu connectes chacun de tes comptes de caisse et de banque. Eh hey boy. Ouais, je sais. Donc, vraiment, avec ton numéro, et tout ça, c'est super sécurisé. Là. C'est Intuit. Là, c'est comme un genre de PayPal, si on veut. Si on veut, sécurité. Oui, c'est ça, c'est sécurisé, okay. Exactement. Et... à chaque transaction que tu vas faire, évidemment, c'est un petit peu plus de travail au début, mais ça va te demander, bon, telle transaction, ça va te montrer la liste au complet, tu vas pouvoir choisir la catégorie que c'est. Bon, par exemple, ça, c'est du fast-food, ça, c'est un magasin de sport, ça, c'est des librairies, bon. Du garage, peu importe. Du garage, mais et après ça, ça va détecter, bon, moi, mettons, UQTR, quelque chose, c'est tout le temps cafétéria. OK. Ça sait que, mettons, je sais pas, Walmart, c'est tout le temps des achats variés pour la maison, tu sais. OK. Ça le sait au fur et à mesure. Et même qu'il y a des places qui sont comme préprogrammées parce que d'autres ont choisi que c'était un restaurant, t'auras pas à l'entrée. Fait qu'il y a pas tant de job à faire que ça. Et ça va, après ça, te donner des budgets. Super facile, comme mettons, bon, là, le mois de novembre, comme je disais, est peut-être pas super représentatif, mais par exemple, en gaz, j'ai 0$. Évidemment, parce qu'on le rappelle, t'as pas de voiture. Film et DVD, c'est j'ai dépensé 7$, donc peut-être c'est mon Netflix qui a coûté ça. Okay? J'ai hâte de voir c'est quoi qui est dans le rouge. Ouais, c'est ça a l'air vraiment. Le rouge, c'est fast-food, mais c'est parce que je me suis donné une limite plus basse qu'avant, dans le fond. Okay, parce que tu oui. peux changer tes limites toi-même. Okay. Tu pourrais dire, bon, par exemple, pour le fast-food, présentement, c'est marqué que dans le mois, j'aurais droit à 70$ de fast-food. Donc, okay. Je suis à 111$. C'est pas si pire pour du fast-food. Deux fois de la pizza, puis t'as pas mal atteint 100$. Ah ouais, ça va vite, mais c'est ça va vraiment délicieux. Vite. Mais épicerie, je suis à 180 sur 310. Tu vois que ça mais va bien. Qu'est-ce qui calcule le fast-food? Est-ce que c'est n'importe quel restaurant? Ben, ceux qui sont programmés comme étant restaurant dans le Mint, okay. Comme mettons bon pizza, mettons, ça va savoir que c'est du restaurant. Oui. Et d'autres affaires que c'est toi qui as choisi. Évidemment, il y a des choses qui vont être mal définies, mais ils te demandent de vérifier tout le temps. Okay. Et ce qui est le fun dans tes budgets, c'est qu'il y a une petite ligne qu'on voit peut-être pas à l'écran pour caméra 3 ici pour les éviter de spectateurs. Il y a une petite ligne qui dit où on est rendu dans le mois. Donc tu vois que plus ton budget avance et plus que ta ligne avance, t'es encore dans ton budget. Et comme c'est toi qui as choisi ton budget, tu peux savoir où t'es rendu proportionnellement par an dans ta tête. Et c'est pas la seule affaire qui est cool dans l'application Mint. Mais c'est bien hot, cette application. Ouais, on va télécharger ça. Comme... Je suis en amour avec cette application-là depuis 2 ans à peu près, depuis que je suis célibataire, je te dis. Un an et demi. Pourquoi t'as mangé plus de fast-food depuis? Oui. Okay. Tout à fait. Et l'autre, c'est que c'était mon ex qui faisait les finances. Mais c'est qu'il n'y a pas juste le budget, il y a aussi le. Et ça, c'est encore plus pratique pour moi, c'est upcoming bills. Donc les futures factures. Moi, une fois dans ma vie, quand je suis allé en appartement après mon début de célibat, j'ai entré chacune de mes factures par rapport à mes statuts, mes feuilles de caisse et de banque. Uh-huh. Bon, Netflix rentre le 6, il faut qu'il soit payé 10$. Telle affaire, tel montant, telle date. Et tu peux faire des récurrences. En fait, ça se fait par défaut, les récurrences, chaque, mettons, 5 du mois. Et ça va m'envoyer un courriel et une alerte par message texte 3 jours avant L'arrivée. Donc, mettons, je sais que mon loyer est dans 3 jours. Je vais allouer mon budget, je vais le mettre à la bonne place dans mon compte. Ou mettons qu'il y a des comptes payés par carte de crédit, je vais envoyer un certain montant par carte de crédit. Et j'aurai jamais plus de compte en retard dorénavant de ma vie. À moins que t'aies pas l'argent. À moins que t'aies pas l'argent, ouais, c'est déjà arrivé ça aussi, mais... tu fais ce qu'il faut, hein? Donc, ben t'as transaction récente. C'est pas ça que je veux dire. Donc, transaction récente, budget, future facture et les transactions qui sont pas encore catégorisées que t'as à catégoriser. C'est pas mal les 4 catégories principales. Et évidemment, ça te dit combien il reste d'argent dans ton compte et tout ça. Donc, t'as tous les détails de ta vie personnelle. Et c'est barré avec ton empreinte digitale sur l'iPhone. Ah, c'est intelligent, ça. Donc, vraiment, tout est super sécurisé. Et je pourrais sérieusement pas... fonctionner comme adulte indépendant. Sans mint. Bon, on va devoir télécharger ça, Gab. Je pense que je l'ai vendu. Ouais. Pas pire. Moi, j'ai une question. Les buffets chinois, là, ouais. Ça rentre-tu dans le restaurant ou dans genre pharmacie pour l'acceptif? Ça rentre dans quelle section, là? Oh, un peu des deux, moitié-moitié. Tu peux pas faire ça, malheureusement. Ah. J'avoue. Ah, c'est un bon point, ça. Mint a ses défauts aussi. Ah, exact. Ce n'est pas parfait. Ça dépend combien de fois par semaine tu y vas, j'imagine. Sûrement. Parlant d'applications, tiens, on peut continuer avec donner le cadeau des applications premium et des services web. Tiens, on se demande des fois à quoi acheter pour Noël. Mm-hmm. Peut-être acheter un abonnement annuel à un service pourrait être une bonne idée. Peut-être acheter Amazon Prime pour faire livrer des paquets plus rapidement à ton ami. Ça pourrait être cool. S'il a tendance à s'acheter plein d'affaires sur Internet, sur Amazon, ben tu lui donnes Amazon Prime comme cadeau, c'est une bonne idée. Ça, c'est environ, je crois que c'est 100$ par année. Ouais, c'est faut que tu l'aimes en Moses, ton ami. Hein? Ouais, ben ça peut être quelqu'un de ta famille aussi. Okay, ouais. Tu vois qui commande beaucoup sur Amazon. Évidemment, t'as tous les avantages qu'on a au Canada, la livraison rapide, accélérée. Parfois, t'as les albums en MP3 streaming. Ou MP4, là, ouais. Exactement, tout à fait. Donc, Amazon Prime, pour un an, ça pourrait être bien. Un abonnement à Netflix, entre, je crois que c'est 8 à 12$ par mois. Ils ont changé les prix, ils ont encore augmenté récemment. Ça, Netflix, là, je dois avouer que c'est un... C'est vrai que c'est un beau cadeau. Et en plus, il y a apparemment, et ça, je ne savais pas, des cartes physiques de Netflix. Ah ouais? En dénomination de 30 et de 60$ qu'on peut envoyer par courriel sur le site. Je ne le savais pas. Sinon, il y aurait un abonnement à Premium, à Spotify Premium. Premium? Mm-hmm. Tania, t'aimes Spotify, ça pourrait être ça? Oui, oui, oui. Sinon, je ne sais pas si on a Pandora au Canada, je ne suis pas trop sûr. Sinon, des services de sauvegarde comme Crash Plan Plus, peut-être. Sinon, un compte pour gérer vos mots de passe. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a de la misère avec les mots de passe et qui prend tout le temps le même mot, vous pouvez utiliser un service de gestion de mots de passe qui va générer des mots de passe plus compliqués pour moins se faire hacker, comme LastPass. Mais ça, c'est quoi? C'est le logiciel se rappelle des mots de passe que tu as générés? Exactement. Tu as un mot de passe master sur tous tes appareils, sur tes tablettes, ordinateurs et téléphones. Et tu as un mot de passe master et ça va être connecté à tes applications pour pouvoir aller chercher le mot de passe qui est genre 32 caractères avec des chiffres et des lettres. Tu vas pouvoir le copier-coller, en tout cas l'envoyer facilement dans l'application. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que c'est un hacker qui a créé l'application et lui, il utilise tous tes codes après. T'es tellement trop science-fiction à tes enfants. Sinon, il y aurait peut-être PlayStation Plus, Xbox Live. Pour les fans de jeux vidéo, ça s'achète aussi. Excellente idée. Vraiment. Sinon, un abonnement à peut-être un VPN pour ceux qui voudraient écouter Netflix américain en passant par des réseaux virtuels. Donc, on pourrait s'acheter un VPN par année. Est-ce qu'il y a bien du stock qu'on n'a pas au Canada sur Netflix? Ça n'a aucun sens, oui. Et il y a des façons faciles. Plus sur l'ordinateur, c'est plus facile. Il y a des applications, des extensions Chrome pour ça. Ouais. Et j'ai regardé des émissions sur Netflix US en passant par un VPN comme ça. Et ça va tellement bien là, que tu croirais que tu es aux États-Unis. C'est comme tu peux dire, je suis à Vegas. Puis j'ai pas le goût d'aller t'acheter des fusils. Puis c'est pareil. Manger du bacon. Pour te sentir réellement américain. Américain. Exactement ça. Mais ont-tu des saisons avant nous? Je crois que oui. Okay. Ça doit. C'est surtout des séries complètes qu'ils ont avant nous. Uh-huh. Quoi qu'on a des exclusivités canadiennes aussi, là, on n'a pas que des défauts, les Canadiens. Voilà, est-ce qu'on... j'ai envie d'arrêter là. On pourrait arrêter là. On a eu du plaisir à se renseigner comme ça. Oui, c'est bien correct. On va pouvoir avoir plus de temps pour parler d'improvisation et peut-être divaguer sur autre chose. Oh. On fait jamais ça avec Gab Béhoud. Jamais. Hein? Mais pour l'instant, avant de continuer, on va écouter une pièce de Electric Indigo. Mm-hmm. Comme le Canal Indigo dans le temps, tu sais là. Tu sais, Canal Indigo qui jouait à la lutte pis tout ça là. Ben c'est plutôt The Paper Kites qui joue Electric Indigo. C'est ça, mais en même temps, le Canal Indigo. Moi j'aimais ça le Canal Indigo. C'était hot. Hey, c'était hot dans le temps, hein. T'appelais pis ça débrouillait ton canal pis tout c'est ça. Vrai. Ça, c'est vrai. The Paper Kites. Canal Famille. Oui. C'est assemblage rigolo. C'est vrai, Canal Famille c'était... Ça devenait super écran, ça. Ouais. Elle est jeune, mais assez ses affaires. Elle connaît ça. gonna do when they come for you? What you gonna do? What you gonna do? C'était The Paper Kites et Electric Indigo à Assemblage Requis. Au retour, Gabriel Béhoud dans les coulisses de la Luitre à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous. 89.1. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bon retour toujours à Assemblage Requis en ce mardi 24 novembre 2015. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Elle est de retour. Et Gabriel Béhoud. Gabriel Béhoud est toujours là, oui, en ben tant oui, que participant bien bonjour, spécial. Ça bien va toujours? Bonjour. Ah, si ça va, ça va. Je pète le feu. Wow. Pas trop, pas trop, ça fait. You're farting fire. Excellent. Comme on dit. Ah oui. Hein? Avoue que tu peux pas dire ça en anglais. Ben, moi, je le fais. Moi, je m'en permets des choses. C'est comme... Farting fire. Ça pourrait être une bonne chanson, oui, ça. Oui, de qui? White Snake. White, oui, Colin, OK. Oh, ouais. Yeah. Avec la permanente, là, puis tout le kit, là. Ah, wow. Tu connais ça? Ben, si je connais ça. Tiens, Jean, est-ce que tu veux qu'on parle d'improvisation? Envoie donc. Voici dans les coulisses de la Luitre. Dans les coulisses de la Luitre, la chronique d'improvisation. Et oui. Gabriel Béhoud qui est avec nous pour en parler en long et en large. Oui, Mathieu, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisé, hein? Ça fait un minimum 3 semaines, je pense. Oui, exactement. On a manqué 3 matchs, dans le fond. Oui. Fait qu'on va faire comme 3 mini-chroniques super rapides. Super rapides. On va commencer par le plus vieux, le plus ancien match. Le match du 2 novembre. Tout dosso novembre. Exactement. Ah, ouais? Ouais. Match... qui était entre les oranges et les verts, n'est-ce oui, pas? Oui, exact. Donc, ça a été un très, très bon match. La marque finale était de 9 à 4 pour les oranges, qui ont un très bon début de saison. Exact. En passant. et puis, les verts ont livré une bonne bataille. Mais, tu sais, ça remonte à loin, Mathieu. C'est loin un peu, c'est oui, ça. Oui. Mais quand même, on peut discuter que les oranges ont nommé Francis Dugré-Lampron des verts comme étoile. Ben oui, lui, une c'est recrue, là. Toute une recrue. Ça commence vraiment bien sa saison pour avoir une étoile comme ça. Définitivement, c'est vraiment là, une des meilleures recrues de la Ligue. Il se démarque facilement. De l'autre côté, on a nommé Marc Lachance, qui a encore fait des simagrées, des personnes âgées, puis des gens avec une lenteur mentale. Marc Lachance est imprévisible dans sa prévisibilité. Exactement. On l'a dit, il est capable de jouer des rôles sérieux, c'est juste qu'il choisit de ne pas le faire trop souvent. Exact. C'est comme un peu la météo. C'est prévisible, mais pas prévisible. Mais jamais bien sûr. Jamais exactement. Bien sûr. Du côté de l'étoile de l'arbitre, c'est Lane de Diecote qui, oui. Je crois, impressionne la galerie à chaque fois qu'elle joue. Elle impressionne même la chasse galerie, je te dirais. Ben là. Incroyable, hein? On a de la suite dans les idées pareilles. C'est adorable, tout ça. Il y a un match qu'elle a manqué récemment, c'est Lane de Diecote. C'était le match du 9 novembre, je crois. Il y a eu 2 matchs d'orange de suite, il me semble, si je m'en fais bien. Oui. Le 9, c'était pas les bleus, tu sais. Excuse-moi, c'était les. T'as raison, les bleus contre les rouges. Je sais pas ce que je dis là. En tout cas, bref. Peu importe. Mais non, c'est là, elle a joué hier. Mais ça, on y vient. Oui, on y reviendra. Donc, comme tu l'as dit, le match du 2 novembre, orange contre vert, ça finit 9 à 4 pour les oranges. Oui. Ensuite, une semaine plus tard, c'était comme si une semaine avait passé. Ouais. On était rendu au 9 novembre. Ben oui, ça a bien de l'allure. C'est 2 plus 7, 9. 2 plus 7, en effet. Et c'était les bleus contre les rouges. Oui, les bleus contre les rouges. Ça a été. Moi, à mon avis, là, c'est pas ça parce que j'ai joué, Mathieu. Je pense que ça a été jusqu'à présent un des meilleurs matchs, je pense, de la saison. Sans rien enlever aux autres matchs. Là, ouais. Ça a bien du sens, c'est ce que tu dis. Hein? Comme on dit, là. Ben oui. Dans la vie, là. Il y a des affaires même qu'on dit qui sont vraies. Mais ça, c'était un match très spécial, Mathieu. Sais-tu pourquoi? Pourquoi non? Parce que l'arbitre Maxime Tanguay, qui est un mélomane là, de nature, nous a impressionnés avec des catégories à n'en plus finir sur la disque. Sur la musique québécoise. Exactement. Tous les thèmes étaient inspirés du gala de la disque qui était la veille. Donc, on a le droit à des titres de chansons. Du Marc-Arthur. Comment il s'appelle? Là, il était là au show de la rentrée. Là. Du Paul Loudly Readjust ou du... Un autre aussi, là. Qu'est-ce qu'il y avait au show de la rentrée? Le Colocasse? Le Colocasse? Ben oui, le peut-être. Non, on n'a pas le droit de le Colocasse. Ah, oh, c'est pas grave, j'oublie. Galaxy? Oui, ah, oui, voilà. Merci, Tania. Voilà. Galaxy était là. Bien dit. Oui. Ouais, en effet. Donc ça, c'était le match du 9 oui. novembre et ça a fini finalement 10-6 pour oui. les Bleus. Oui, exact. T'as perdu, c'est ça que ça veut dire? Oui. Les Bleus ont gagné le haut la main, en fait, avec une belle petite victoire de 10-6. Je dois t'avouer que je pense que les Bleus, c'est l'équipe à vaincre cette année. Aha. Ils ont des joueurs avec une expérience certaine, notamment Frédéric Bernard, Vanessa, Vincent et Marc-André, donc toute l'équipe, là, t'sais. Voilà. Ont déjà joué. Absolument. Et puis... Je viens de comprendre, il manque, il n'y a pas encore le résumé du 16 novembre sur le Facebook. C'est pour ça que je disais tantôt, Céline, qu'il avait manqué un match, c'était le match du 16. Oui, c'était les Bleus. Les oranges contre les Bleus. Oui, exact. Donc ça... Malheureusement, là, Mathieu, de mémoire, je pourrais pas te dire le score. Hein. Non, ben je m'en rappelle pas non plus live comme ça, et comme le résumé n'est pas sorti, ça va être difficile de vous le dire. Exactement. Je pourrais chercher mes feuilles dans le bureau, mais ça commencerait à être lourd comme chronique, on s'entend-tu là-dessus? Ben oui. Mais bref, donc le 16 novembre, le match du 16 novembre passera aux oubliettes. Oh, c'est pas grave. Mais c'est un bon match, là, c'était avec Élodie Mongrain. Exactement. Élodie Mongrain ne cesse de nous impressionner. Hey, ce match-là, là, elle a sorti deux joueurs. Pas des farces. C'est vrai. C'est qui était sorti? Vincent Rainville et Vanessa Forcier. Vanessa Forcier, je m'attendais pas à voir cette fille-là sortir. Non, d'habitude, c'est une joueuse qui est assez tranquille sur les pénalités. À part pour le décrochage, mais Vanessa, c'est une belle victime de décrochage d'habitude. Une rieuse assez intense. C'est le fun de jouer avec elle, soit dans son équipe ou en mixte. Parce que tu sais si c'est drôle, qu'est-ce que tu viens de faire. T'as un feedback direct. Instantané, c'est un bon public, mettons. Oui. Bref, donc on n'a pas malheureusement le score entre les oranges et les bleus. Je pourrais même pas me rappeler qui a gagné, l'équipe d'Alexandre Laramiswiki ou celle de Vincent Rainville. Hey, c'est grave, pareil. Hein? De mémoire, je suis pas mal sûr que c'est les bleus. Ouais. Oui. Pourrais pas mal sûr, moi aussi. Oui. Ouais. Bref, peu importe, on va passer au match le plus récent d'hier soir, le 23 novembre. Oui. Un match entre les rouges et les oranges. Là, vous allez me dire, mais il me semble que les oranges jouent souvent. Ben oui. Ben oui, les oranges, ils aiment ça jouer, ils ont le droit. C'est dit. Donc, rouge contre orange. Là, je me rappelle que ça finit 10-6. On a dit 9-6 lors du match, mais on a confirmé plus tard que c'était 10-6. Oh, 10-6. Pour les... Rouge, bien, j'allais le dire. Oui. On n'aime pas les mots de la bouche de même. Non. Hier, on a encore eu droit à une expulsion, monsieur. C'est vrai. Monsieur Chapdelaine. Dans ce cas-là, Jeff Chapdelaine. Oui. Qui a dû attendre dans la foule jusqu'à la fin du match. On le regardait comme « Salut! » Ça arrive souvent cette année, je trouve, que les arbitres, ils font peut-être un petit power trip. Là. Ben, ça fait un bon... Alors, je les appelle, je pense. Ça fait un bon show, faut se le dire. Et il faut dire aussi qu'il a un peu couru après, parce que tout le long du match, des fois, il fessait avec son pied sa bande, tout ça. Puis à un moment donné, la raison même qu'il était sorti, c'était quoi les pénalités qu'il a... Ben, dis-le si tu l'aimes pas, Mathieu. Non, mais c'est parce qu'il était sauvage avec le monde. Il laissait pas. Il était un peu rude. Ah, un peu de rudesse. Il partageait pas le chemin, c'est vrai. C'est ça, un peu de rudesse. C'est un bon joueur, Chaps. Oh oui. Mais il prend de la place des fois, tu sais. Exact. Ben, j'espère qu'il écoute pas. Non, mais c'est un compliment. Non, il prend sa place. Il prend sa place. Ah, c'est bien dit. Ah, c'est si bien dit. Non, mais il prend sa place. Puis tu sais, quand t'es drôle, des fois, ça peut donner un bon show d'être confiant de soi-même. Mm-hmm, mm-hmm. Moi, je trouve qu'il fait bien ça. Moi, je le trouve très drôle. Je trouve qu'il évolue dans une très belle équipe avec un capitaine fabuleux. Oui, avec une grosse barbe. C'est-à-dire Gabriel Béhoun. Ah, c'est pas ça que je voulais dire, Mathieu. Là. Lui, c'est rasé, hein. Je sais pas si t'as vu. Oui. Il était pas de bébé. Mon Dieu. Babyface. On aurait dit qu'il avait 12 ans. C'est une autre personne complètement. Mais c'est vrai, hein? Ben souvent quand les gars se rasent la barbe, là, vous avez l'air jeune. C'est vrai. Pour ça que je pense que tous les hommes qui ont une barbe doivent faire une transition. Parce que dans une barbe, il y a une moustache. C'est ça vrai. Ça fait partie de l'ensemble. C'est vrai. Cependant, on peut isoler cette moustache là. Non, mais ça, il faut pas. Non. Pardon? Il me regarde avec les yeux tellement, genre. Comme... Jésus, moi, c'est sûr que je vais isoler cette moustache, là. Non, et lui, pour le Movember? Non, mais lui, il fait ça ailleurs que le Movember, là, lui, là. Ah. Béoud, c'est toujours, pas juste pendant le Movember. Non, mais moi, c'est un cycle. C'est un peu comme les saisons. Oui. C'est... Tu te la laisses pendant l'été? Pas pendant l'été. Il fait chaud l'été. Tu te la lèves. Tu te la lèves. Qu'est-ce que tu fais l'été? Tu rases tout? Tout? Non, je sais pas. Est-ce que vous avez chaud avec ça, honnêtement? L'hiver, ça tient tellement au chaud. Hein. Ah ouais? Moi, je la garde assez courte quand même. Fait que non, ouais, c'est ça. Ah non, mais moi, je peux t'avouer que ça, c'est le meilleur des cache-coups. Là. Ça doit être comme les cheveux pour les filles. Plus c'est long, plus ça te garde au chaud. Probablement. C'est comme des cheveux de joue. C'est comme quand tu fais un man bun, c'est clairement pour réchauffer la partie que tu perds un petit peu de cheveux en haut. Là. Là, ouais, c'est clair. Ah, je devrais acheter là un où man la bun lumière à mon de père. Dieu te frappe. Là où la lumière de Dieu te frappe. Mm-hmm. Ouais, ben tu oui. Tiens au chaud. Ou la main du prêtre. Là où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds. Et voilà. Exactement. Galaxy près de chez vous. C'est ça, c'est ça. C'est drôle, ça. Galaxy Pacini, j'ai entendu. Galaxy Pacini. On était en train de parler du match d'hier. Ben oui. Est-ce oui. que tu te rappelles des étoiles? Il y avait Alexander Ramizouki qui a reçu l'étoile de l'équipe des Rouges. Ouais. Par la suite, Alexandre Marchand qui a reçu l'étoile de l'équipe des Oranges de nos Rouges. Ouais. Et puis, l'étoile de l'arbitre, coup de théâtre, Mathieu. Oui, c'est le gars c'est qui le fait... joueur expulsé. Oh. Mais hein? Je dois t'avouer qu'on a même une petite entrevue parce qu'on avait un reporter sur le terrain. Je sais pas si. Ah, oh, ben oui, on a un reporter sur le terrain. Ben oui. Une chance qui existe parce que sinon, je vois pas comment on pourrait expliquer cette affaire-là. C'est tellement pertinent, comme toujours. Donc voici lundi soir, le matin. Allez, allez, allez! Vous écoutez lundi soir, le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Mon nom est Gabriel B. Wood. Je suis présentement dans le sous-sol du 10-12, un endroit tout en poutres et en contreplaqué. Je suis dans cet endroit, ma foi, de bois, pour vous parler du match des Rouges qui affrontent les Oranges dans le cadre d'un match de la saison régulière de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Face à face. Je suis avec Alexandre Lemarchand. Alexandre Lemarchand, joueur de l'équipe des Rouges, comment qualifieriez-vous votre année au sein des Rouges cette année? Ouais, c'est sûr que cette année, c'est une année quand même spéciale. On a beaucoup de recrues, mais on compose bien avec ça. On est un peu comme les Beethoven, on est des vieux monsieur fâchés, un peu sourds, puis on fait des trucs extraordinaires ensemble. Donc... Beethoven, le chien. Parlant de chien, Monsieur Marchand, je sais que vous êtes un amateur de la race canine. Entretenez-nous en dedans de 30 secondes sur votre chien, s'il vous plaît. C'est la tribune que j'ai toujours rêvé pour avoir, pour pouvoir présenter mon chien. C'est Kiron, Golden Retriever, magnifique. Elle est adorable. Je peux vous envoyer des photos sur message privé. Vous me connaissez pas, c'est pas grave. Envoyez-moi un message Facebook, n'importe quoi. Je vous envoie des photos. On peut organiser des rencontres. C'est le canin par excellence. Je l'adore. C'est excellent. Et si comme Toby, Kira, votre chien, avait un sport à apprendre, lequel serait-il? Ben, ça serait, je te dirais, le badminton, parce que elle a toujours, avec la fougue avec laquelle elle tient des bâtons, je la vois vraiment frapper des moineaux. Elle court beaucoup après les moineaux, en fait, et elle prend les bâtons dans sa bouche, fait que je pense qu'il y a un lien à faire avec bâton et moineaux. Bon, badminton, c'est... Espérons que ce n'était pas une référence plus ou moins subtile à la zoophilie. Sur ce, bon match, Monsieur Marchand. Merci, bon match à vous aussi. Face à face. Je suis avec Céline Dodger-Cote. Céline Dodger, vous avez une belle équipe chez l'Orange. Quelle est votre force principale? Je te dirais qu'on est capable de tenir les univers, tu sais. On se met dans n'importe quel univers, puis là, on le tient, là, tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais. Ça tient, là. C'est présent, là. On est là. On le vit, là. On le vit, là. C'est ça, l'impro. C'est la vie, là. Parlant de vie et d'impro, est d'équipe des Oranges. Quelle est la plus grande faiblesse de la vie de l'équipe de l'impro des Oranges? Là, il faut qu'on s'ajuste sur l'écriture, là. T'sais, là, le récit, là, faut que ça aille quelque part, là. Puis là, on sait c'est où, là, quelque part, mais faut l'amener plus loin, là. Faut pousser. Donc, selon votre analogie, vous allez accoucher d'un très, très, très beau bébé match. Je vous souhaite un beau bébé match, bébé Céline Dodger. Coach? Ouais. Bon match à toi aussi, Gab, hein? Bon match. Ouais. Merci. Je suis avec Jean-François Chapdelaine, le joueur de l'équipe des Rouges, qui a eu l'étoile de l'arbitre, mais qui, coup de théâtre, a été expulsé par ce même arbitre. Jean-François, comment expliquerais-tu ce paradoxe incroyable? En pluguant le mot chameau dedans. Écoute Steve, c'est facile. Le chameau, il y a deux boss. Ben écoute, dans une game d'impro, il y a tout le temps deux boss aussi. T'as deux boss parce que ben, t'as l'arbitre, puis t'as le joueur. Puis c'est important d'être un joueur qui s'exprime. Et tu sais, un bon tour de chapeau de gars de 4e trio, c'est une bataille, un but, puis une expulsion. Ben là, je pense qu'à ce soir, j'ai prouvé que j'étais un bon gars de 4e trio. Vous vous dites gars de 4e trio, mais je pense que vous pouvez briller sur le premier trio de mon cœur et vous méritez, comme Jeff Petrie, une poutine au smoke meat. Merci bien. Félicitations, Jean-François, et continue ton beau travail. Moi et ta mère, nous t'aimons. Ben écoute, merci, puis je vous dis salut à tous les gars de la Beauce qui m'ont encouragé pendant mon midget. C'est bien fin, gars. Félicitations. C'est pas ce qui m'arrive. On dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées. Je suis pas devenu celui que j'étais. Imaginé. Là, on sort de moins en moins fort. Exactement. Hey, merci Gabriel Houtentrain Houd. Ah, c'était bon. Ben oui, fais du bon travail comme toujours. Ah, moi je parlais de notre chanson. Là. Ah, bon, ok. Oui, on a fait un beau duo. Oui, un beau duo. Ok, information à corriger par rapport à tantôt. Allons-y. Le match du 13 novembre que je me demandais qui avait gagné entre les bleus et les oranges. On avait déterminé que c'était les bleus. Oui. 9 à 6. Exact. Ensuite, prochaine information. Chaps de laine quand il s'est fait jeter dehors. C'est pour deux pénalités. Vas-y donc. Une pour procédure illégale. Te rappelles-tu pourquoi il y avait une procédure illégale? D'où Jésus. Son portable, son téléphone cellulaire était tombé de ses poches. Okay. Évidemment, on n'a pas le droit de regarder soit notre montre ou notre cellulaire durant une impro, par exemple, parce qu'on pourrait avoir un indice de temps. Donc, oui. Ça devient une procédure illégale. Bref. Lui, il l'a repris, il l'a mis dans ses poches en le regardant. Donc, évidemment, il n'a pas réussi à s'empêcher de le regarder. Malheureusement. S'il n'avait pas regardé, ça aurait peut-être fonctionné. Mais c'est tellement un réflexe, hein? Ben oui, le problème, que tu regardes s'il est pété. Peut-être. Oui, l'écran en tant que tel. Et aussi, faut dire, quand tu sors ton téléphone de ta poche, même quand c'est pour regarder l'heure, tu le remets dans ta poche sans avoir finalement vérifié l'heure. Mm-hmm. Exact. Tu allais voir Facebook, mais t'es pas allé voir l'heure. Ou tu l'as fait justement par réflexe, puis t'as même pas pris le temps de. Exactement. Assimilé quelle heure il était. Mm-hmm. En tout cas, donc procédure illégale personnelle envers Chaps. Et sinon, il y avait aussi non-respect. Rudesse majeure, non-respect, c'est ce qui est écrit sur ma feuille. Oui, rudesse majeure, je crois que c'était pour l'équipe. Pour l'équipe, et non-respect la carte M pour Chaps. Oui, exact. Voilà. C'est les choses qu'on voulait corriger, que je voulais corriger, mm-hmm. par rapport au dernier match, parce qu'on veut, tant qu'à faire une chronique après un mois d'absence, faut résumer correctement. Sérieux. Je pense que ça vaut la peine. T'sais? Et tant qu'à parler d'impro au passé... Oui. Et au présent très rapproché, parlons au futur un peu parce que on n'arrête pas d'ici la fin de la session. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on parle au subjonctif passé. Ok, j'ai de la misère avec ça, François. Subjonctif, c'est On peut passer, on peut parler au futur. Là, on est le 24, le prochain match est le 30 oui. novembre. Ça va être les Bleus contre les Verts. Enfin, un petit peu de variété. Là. C'est plus les Oranges comme à chaque semaine. Exact. Là, ça va être plaisant parce que Bleu contre Vert, là, c'est deux univers différents. Et unis bleus. Des univers et des unis bleus. Oui, oui, oh, mon Dieu. Oh, boy. Oui, puis je pense que ça va être le fun parce que on a droit à une équipe un peu plus recrue du côté des Verts, puis on a l'expérience. C'est comme un genre de match touche de gris, si on veut. C'est vrai. Donc, c'est un bon point. On a la jeunesse d'un côté et puis l'expérience de l'autre. Ben, la capitaine des Verts, c'est Nadia Tranchemontagne. Oui. Anciennement des Oranges, qui maintenant sa propre équipe à son nom. Oui, exact. Hein? Même s'il n'y a pas Vert dans son nom. Non. Non. T'as la vétérane Magali Brousseau-Arcan, oui. qui est à jour rarement, mais elle est le barret. Si drôle. Si drôle. Recrue Samuel Desjardins, très drôle. Recrue Francis Dugré-Lampron, une des étoiles du match récemment. Oui, puis Francis, il est à surveiller. Là. Absolument, une vedette montante. Et une autre recrue, Vincent Boisvert, qui sert de substitut et qui a joué le dernier match des Verts. Oui, sur Canal aussi. Là. En fait, le dernier match des Verts date du 2 novembre, ça fait un mois complet. Ça fait un méchant bout. Il y a eu trois matchs entre les autres, donc faites attention à ça et surveillez bien les Verts montés. Et côté bleu, ben, on les connaît, c'est Vincent Raville, avec tout le monde. Tout le monde est déjà. Et les vétérans sont le substitut. Donc, Vincent Raville, Marc-André, Marion Flamand, Vanessa Fortier, Frédéric Bernard et la recrue substitut qui va probablement pas jouer, Frédéric Simon. Je dois avouer là, que cette équipe-là a deux personnes qui ont soulevé la coupe au-dessus de leur tête la saison dernière. Oui. Donc ça, généralement, là, si peu importe le sport, parce que oui, l'improvisation, c'est un sport culturel. Ben, on dit ça pour dire qu'on fait du sport. Hein, exact. Ouais. Moi, c'est la seule source de sport que je fais dans ma semaine. Oui. Je fais du sport. Pareil. D'habitude, un joueur qui gagne une coupe là, ou un trophée, d'habitude, sur le marché des joueurs autonomes, ça vaut très cher. Exact. Donc, Frédéric Simon, comme on l'a dit, substitut des Bleus qui a animé avec moi le match d'hier. Oui. C'est pas, quand tu es substitut, tu n'as pas la chance de faire grand-chose dans le jeu de l'improvisation. Non, c'est ça dépend toujours des saisons. Là. Comme par exemple, je sais que chez les Verts, le substitut se fait aller pas mal parce que... Magali est souvent absent. Exactement, parce que je crois qu'il est en stage. En ce moment, peut-être que l'hiver, ça va aller mieux. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, de là l'importance de choisir un bon substitut parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. T'sais. Un décès, un accident. On sait pas ça. Ben, l'année passée, il y avait eu un stage aussi avec c'était Olivia Pinard-Terrier. Oui. Donc, la remplaçante, elle avait joué souvent. Oui. C'était Florence Bouvet-Bouchard. Exactement. Voilà. Bref, le prochain match, comme on l'a dit, ça va être le 30 novembre. Ensuite, le mois de décembre défile deux derniers matchs avant la fin de la demi-saison. Donc, rouge-bleu et rouge-vert. Là, c'est vraiment le moment des rouges. Oui, les rouges vont shiner. Shine bright. Dans le tapis. Voilà. Donc, mois de décembre jusqu'au 14, après ce petit congé, mais on y reviendra. Oui. Quoi qu'on va sûrement pas y revenir trop souvent avec toi pour le reste de la saison. Non, parce que moi aussi, je suis en stage. Ouais. C'est une exception à la règle que je sois ici ce matin. D'ailleurs, je suis bien content. Ben, ça, c'est le changement. On a parlé c'est drôle parce que dans la précédente chronique, les discussions de l'assemblage, on a parlé de la poutine au smoke meat de Desjardins. Mm-hmm. De Desjardins, ben oui. Si seulement. Bonjour, j'aimerais m'ouvrir un compte. OK, on vous donne une poutine. Génial. Mon rêve! on a parlé dans la chronique à l'esprit d'assemblage et là, tu en as parlé dans ta chronique tantôt. Oui. Excuse-moi, Gabriel Boutant-Tréhaud en a parlé dans sa chronique. Oui, exact, c'est un addon, là. Moi, je pense que tous les joueurs qui signent avec une équipe professionnelle devraient recevoir un élément de fast-food unique. Comme par exemple, j'aimerais ça me voir un sandwich Eugénie Bouchard. OK, oui. Qui serait à quoi? Oh. Pis là, c'est la question. C'est ça. Parle pas de petit jus de poisson, s'il te plaît. Ça serait trop déplacé. Sardine. Non, pas de danger. Il y a quelqu'un qui a fait un gag sur ça hier à la lutte, c'est pour ça que je dis ça. C'est moi. C'est oh, ben, quand c'est moi. Je m'en rappelais pas, mais oui, il a fait un gag sur le jus de poisson, c'était tellement déplacé. Oui. Ben, tu sais, c'est pas pire. Simili approprié dans la situation, c'est mais vraiment dégueulasse dans hors contexte. Il y avait une improvisation littéraire sur le sperme. Hey, c'était incroyable. Ouais. C'était vulgaire à souhait et j'ai évidemment fait le gag que, ils se permettent bien des affaires à soir, la nuit. Ferme, tu sais. Ah oui, on nous donne le choix entre un itinérant qui perd son chien, par exemple. C'est un peu ça, le sens du thème. Ouais. Ou l'autre thème, parce que c'est un thème pour chaque équipe. Et ben c'est un gars qui se fait faire une fellation. Et puis, la fille recrache le venu dans une bouteille. Ce que Slan Dodger Coat a joué devant ses parents. Qui était sur les divans à l'avant de la scène. Donc moi je suis très fier qu'elle ait fait ça. C'est malaisant. C'était non, mais là, on est des adultes à un moment donné. Consentant. Ouais, mais c'est tes parents? Ben, les parents de Selam de Diego doivent être assez ouverts d'esprit, pas mal. OK. Moi, j'aimerais. Ayant eu Selam comme fille. Tant qu'on est dans le sujet, là, j'aimerais souligner le look incroyablement trop cool du père de Selam. Oui, c'est vrai. Le monsieur a une moustache digne de ce nom, ainsi qu'un chapeau de cowboy. Je te dis, le look est complet, parfait. On avait chez Tim Hortons avec leurs affaires de chapeau de cowboy. Ah oui, on a du steak! Steak. Qui a l'air de la viande froide. Ah, c'est ben, ça. C'est ça, passe au micro-ondes. Ça a l'air de manger pour Maggie, là, les annonces de César, on dirait ça. Là. Maggie le chien? Oh, le Maggie, le petit chien blanc. Non, j'ai pas vu Maggie. J'ai entendu parler de Kira, j'ai entendu ça dans une chronique d'impro. Oui, mais si on parle d'un vrai chien, là, pas un chien format collation. Là, c'est ça. Aïe, ah, si ton chien était une collation, tu voudrais qu'il soit quelle collation? Oh, ben, la réponse facile serait évidemment un hot dog. Oui, bien sûr. Mais, mon Dieu. C'est quoi cette question-là? Là, je suis complètement désemparé. Ben, si mon chien était une collation. Ouais, ouais, ouais. Probablement un fudge. Okay. Ah, ouais. OK. Ouais. Parfait, c'est un bon fudge, oui, c'est bon. Ouais, toi, si t'étais de collation, je dirais que tu serais un mince aux légumes. Un mince aux légumes? Ouais, ouais. C'est dégueulasse, des minces aux légumes. Mais non, c'est bon. Ouais, moi, j'haïs ça, des minces aux légumes. Franchement. La paix moi, on n'est jamais content de ce qu'on est, de toute façon, fait que c'est correct. Exact. Ah. Moi, j'ai des grands complexes. Je me regarde dans le miroir et je ne vois qu'un mince aux légumes. Tu pourras plus jamais oublier ça. Une chance que je ne suis pas un triscuit parce que là, je pense que je ne vous parle plus. Hey, c'est bon ça aussi. Hey. T'aimes ça les triscuits? Ben, pas les natures, là, quand même. Désespoir. Ils ont des sortes? Ben oui. Ben oui. Barbecue, crème sûre, c'est pas bon ça. J'adore, ah ouais. Si je me suis aimé. Décliner plusieurs sortes d'une collation ordinaire avec des saveurs. Avec de l'humus, c'est tellement bon. Mmh. Ouais, mais c'est l'humus qui est bon dans cette histoire-là. Non, le biscuit aussi, le biscuit a une texture, le fun. On dirait des mini-wheats. Ben, c'est ça, des mini-wheats pour les gens grano. OK, bon, de bord, revenons aux poutines, c'est ça que t'aimes tant. J'adore. Et décris-moi la poutine de tes rêves. La poutine de mes rêves. Premièrement, la poutine de mes rêves entre 22 et 23 ans. C'est ton range sur Tinder. Ouais, exactement. Attention. Vas-y. Un gag s'en vient. Ton range. Sur, est-ce que ça va venir? Ton range, tous ensemble. Ton range sur... Poutinder! Poutinder. Aïe, Mathieu. Merci. Je suis content d'avoir vécu ce moment-là. Là. Ça fait plaisir. Mais mon range. Oui. Ouais. Find a poutine near you. Find a poutine near you. It's a match. Ben moi, je pense que je dois avouer, là, si on y va dans les régionalismes, là, j'aime bien celle du Châteaudun à Trois-Rivières. C'est vrai que c'est une des meilleures à Trois-Rivières. La poutine dog, là, premièrement, elle est très abordable. Ouais. Deuxièmement, elle vient dans une assiette en tôle que c'est fun. Si t'as manges pas au complet, tu remets ça au four puis prends. Au vrai four, pas au micro-ondes, parce que c'est dangereux. Pas mangeable au micro-ondes. Tu mets ça au petit four. C'est pas mangeable, ça pogne en feu aussi, je pense, l'aluminium dans un four micro-ondes. Oui, il y a des chances. Ouais, je pense que ouais. Ouais. Mais sinon, là, moi, je dois faire une pub gratuite. Ouais. Pour une petite stand à patates. Ça s'appelle Cantine Urto à Sorel-Tracy. Ah, ouais. Je te dis, il doit y avoir 12 places assises. C'est comme dans le centre-ville, puis le niveau de richesse, dans le fond, c'est un peu défavorisé dans ce coin-là. Fait que tu vas manger sur place. Tu sais, c'est pas méchant à rien, mais parce qu'il y a des gens qui sont quand même vraiment drôles et spéciales qui mangent là. Puis. Ça vaut tellement le détour, là. J'ai déjà entendu. Ben là, c'est ça qu'on fait, hein. J'ai déjà entendu comme réplique pour de vrai, Mathieu, là. Je sais tout bien pas lire d'un client qui dit à la serveuse, ouais. Là, qui est derrière le comptoir, il y a 12 places assises. Okay. Le client qui dit à la serveuse, je sais tout bien pas lire, mais s'il manque une scène sur le chèque, m'a le savoir entre. Son chèque de T'entends ça. Non, mais. Couramment. C'est ça. Ça, là, c'est une réplique parmi tant d'autres. Tu vois des gens somptueux. Et la poutine, c'est la meilleure que j'ai mangée de toute ma vie. Une poutine familiale, là, c'est une grosse assiette de tôle. Là. Tu peux manger ça, t'es genre 6 dessus. Puis ça coûte 10$. Tu vois là, t'arrives là avec 2,5$ puis un botch dans tes poches. Puis tu repars de là avec un repas. Là, c'est séduisant, ça. Oui. Wow. Ça vaut le détour. Pour vrai, là, définitivement la meilleure. Urto, cantine Urto. OK. C'est en face de l'armée du salut. Ah, ça aurait été ça. Ouais, le recyclé au centre qui appelle ça, là. C'est genre en diagonale. C'est bien spoté. Ouais, c'est. T'sais, tu vas faire du shopping, puis ensuite... Du shopping? Tu te diriges pour... J'ai déjà vu un livreur de... même pas un livreur, un chauffeur de taxi venir chercher une commande pour un client qui se faisait livrer avec un taxi. À l'armée du salut, juste en avant. Non, mais probablement dans ce genre-là. Le gars s'était commandé un fromage sauce. Hein? Pas de frites? Non, exactement. Living the dream. C'est juste du fromage en crotte avec de la sauce chaude dessus. Ah non, mais avoue, ça doit être écœurant. Hein? Ça doit être ça. Ouais, mais c'est une pierre au rein dans une assiette en aluminium. Cette histoire-là, c'est effroyable. C'est comme une... Ça devient... C'est probablement que ça fond, ça devient comme une grosse poque de fromage. Probablement. Surtout le temps que le taxi sera rare. Mais ça doit... Mais est-ce que comme une poutine, tu fais fromage, sauce fromage dans ce cas-là? Je sais pas. Mm-hmm. Parce que tu peux pas juste faire fromage puis sauce par-dessus parce que ça s'imprègne pas dans le fromage. Je suis d'accord. Pas assez, en tout cas. Mais j'aime ça, mais l'idée de... Il y a de plus en plus de places qui font ça, tu sais, des pimp-poutines. Ouais, mais ça. Que tu peux pimper, justement, ta poutine. Moi, j'aime ça, les trucs un peu classiques, tu sais, ça, c'est ça, dog. Ouais, tout le monde dit ça, on dirait. Moi, je suis très, très... j'aime essayer les nouveautés, tu sais. Mm-hmm. Puis je veux essayer chacune des poutines de ces stands à poutine spéciaux-là. Mm-hmm. Ouais. Mais bon. C'est le fun d'avoir une chronique à chaque semaine de Gab Béhoud, mais non, on doit se contenter d'une seule une fois de temps en temps. Ben, cet hiver, je risque de revenir. Ah, génial. Good. Fait que, voyez que dans le fond, il reste 3 matchs. Oui. Oh, oui. On va te revoir peut-être une fois là-dedans? Possiblement. Je peux pas le garantir. Peut-être genre la dernière semaine, ce serait cool d'avoir un wrap-up des 3 dernières. Ouais, ce serait plaisant. Quitte à ce que ce soit pas un mardi. Oui, un autre jour, peu importe. Hein. Mm-hmm. Bref, Gab Béhoud, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. On te voit tous les lundis soirs à 20h à la Chasse Galerie, que ce soit sur la scène ou dans le public. C'est en plein ça. En train de m'applaudir pour l'animation. C'est ça, oui, il y a quelques gags que des fois, je trouve qu'ils n'ont pas un rire à leur juste valeur. Il y en a qui me font cramper de rire. Les miens, ça? Oui, merci. Oui. T'es fin. Je t'apprécie. Ah, d'où Jésus. Gabriel Béhoud. Oui, d'où Jésus lui-même. de l'équipe des Rouges, de la Luitre, la Ligue Universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Et à la semaine prochaine ou dans une autre fois, à un moment donné, dans un jour plus ou moins précis, dans une année plus ou moins rapproche. Nous, c'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Avec un petit peu de retard, légèrement, c'est pas grave, on a eu du plaisir tous ensemble. On remercie seulement Gabriel Béhoud et personne d'autre. Ben oui, personne d'autre. Toi, Thalia Baudin. Ben merci beaucoup. Mathieu Plante. Merci. À toi. C'est fine. Demain, l'émission, mercredi, on va voir Sébastien Viertin à 8h pour son bulletin Viertin et à 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe. C'est entre 6h30 et 9h30. Sinon, restez sur nos ondes. À 11h, c'est bien sûr le Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, ce sera Rock de Neurone en rappel. Je vais être de retour avec toi, Thalia, pour les palmarès Sifou à 15h. Oui. Ensuite, à 19h, c'est réanimation, l'émission de métal et d'horreur. Sifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados de diffusion. Tant qu'à passer par le Sifou.ca. Allez donc voir sur la page d'accueil, autre que de nouvelles en tête pour les entrevues SoundCloud, on a aussi une nouvelle bannière pour la musique diffusée sur nos ondes. Mm-hmm. C'est la première fois qu'on en parle, donc allez sur le site.ca. Essayez notre nouveau gadget version bêta pour aller voir les pièces qui ont joué pendant nos émissions et les pièces qui ont joué hors émission. Il y a deux façons différentes qui sont expliquées en long et en large, en beaucoup trop de détails, mais pour comprendre, il faut les voir sur site.ca, la page musique diffusée sur nos ondes. Voilà, c'est tout. Alors, on se quitte avec une pièce de Athéna. S'appelle Prends mon temps. Et on se retrouve demain. Merci Tania encore. Merci à toi Mathieu. J'espère que tu vas te remettre dans la zone horaire. T'as-tu remarqué que durant les 15 dernières minutes de l'émission, là, je m'endormais. Il est rendu quelle heure pour toi? 6h30 du matin du soir d'avant. Ouais. C'est ça, c'est sa réaction ça. C'est ça. À demain! Bye, à demain! Bye.